Allez, allez, comme d'hab, on se retrouve comme chaque lundi, bah, où ça, Barcelona, avec qui, Los Gabachos, sur Contrabanda, FME, et ouais, on ne change pas, donc bah, les Los Gabachos sont là, et prêts à foutre le feu, parce qu'on est bien vénère, on est bien, bien remonté, c'est les élections, on a un invité de prestige ce soir, Pascal Coma, qui va nous parler de son livre, un exilé, comme tout le monde ici, on s'écoute, vite fait une chanson pour nous monter un peu la pression, tout ça, on revient, ça enchaîne direct, bien sûr, Marcel et son orchestre, les invités prestigieux également. Benga benga, Los Gabachos, et ouais, public francophone, barcelonais ou même français, hein, nous écoute très très loin, Pascal, mon cher, ouais. Et ouais, puisque bah, on a un invité quand même, hein, parlons de bouquins, parlons de France, de plein de choses. On a reçu des expos, des gens qui sont venus parler d'expos, l'expo Manoise, entre autres, plein de choses, tout ça, les radios de Chango et compagnie. C'est souvent exclusivement, allez, on va dire musical ici. D'ailleurs, on a Marcel et son orchestre qui débarquent tout à l'heure. Mais on tenait, ouais, voilà, il y a déjà le public qui s'énerve, et puis bien sûr, on va s'énerver pour parler de la France, parce qu'il y a de quoi faire, il y a du boulot, hein, Pascal, hein. Ah oui, les éminés. Il y a beaucoup de tensions autour de ces élections. Mais Beaucoup. c'est bien parce que pour une fois, on voit que tout le monde est très concerné et on est à peu près sûr d'une chose, c'est que le taux d'abstention, cette fois, il sera faible. Ah, ça c'est déjà intéressant, un très bon point. Alors on va resituer Pascal, parce que donc tu es un passionné de politique, effectivement, Ouais, je crois qu'on peut le dire. on va dire autodidacte, hein, puisque tu n'as pas fait Sciences Po, tous ces machins-là. Tu as fait une école de commerce quand tu étais Ouais. beaucoup plus jeune. Tu t'es intéressé à la finance, un petit peu à voir comment ça marchait, les roulements de la France, entre autres. Et tu en as fait un bouquin. Tu en as fait un bouquin parce que, en fait, tu habites ici, tu as pas mal voyagé, hein, c'est ça, Oui. entre autres. Et puis le côté musical. Parce que Monsieur Pascal a travaillé dans la musique. On reviendra là-dessus, puisque on a fait une petite sélection pour toi, justement. Et alors, donc, Pascal, toi, t'es originaire de Toulouse, du Oui, sud de c'est la ça. France. Voilà, t'as bougé après vers Paris. T'as connu apparemment le milieu de l'organisation d'événementiel également dans le milieu musical, collaboré avec Radio Nova, entre autres. Oui, c'est ça. À vrai dire, le diplôme que j'ai passé, c'était plus pour avoir un diplôme que pour autre chose, puisque je savais déjà que je voulais m'orienter vers le milieu de la musique et celui de l'audiovisuel en relation avec la musique. Chose que tu as fait, Chose que j'ai voilà. faite, exactement. J'ai collaboré donc pendant une dizaine d'années avec les maisons de disques. J'ai travaillé aussi au niveau indépendant en tant que DJ, organisateur de soirées, promoteur d'artistes, etc. Ouais, tu as fait des soirées, c'est où déjà à Paris exactement? Tu as fait En fait, des. j'étais dans plusieurs nébuleuses, là, un petit peu la nébuleuse Nova, d'autres nébuleuses, un petit peu Marthe Lagache, qui à l'époque organisait de très très bonnes soirées à Paris, qui est connue par les noctambules des années 80-90. Et puis aussi des choses un peu plus underground, on va dire. Voilà, sur tout ça. Et puis un petit peu à l'hôpital éphémère. Enfin, voilà, il y avait plusieurs Voilà, toute une nébuleuses. grande époque parisienne, il y a combien de temps déjà? Ben, c'était tout ça entre 87, on va dire, et 95. D'accord. Et puis la fin de l'époque alternative, justement, en France, Ouais. à Paris, plus ou moins, enfin, hein, à ce qu'on dit. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Effectivement, tu as fait des concerts au Palace. J'ai Voilà. Et organisé des soirées là-bas, oui. t'en as eu marre. T'en as eu marre purement et simplement du milieu de la musique, de son écroulement actuel. Oui, enfin, du milieu de la musique, non, De puisque la bon, variété, apparemment. j'en ai eu marre surtout de collaborer avec les maisons de disques, enfin, parce qu'il y avait une involution artistique. Bon, les maisons de disques, les majors, n'ont jamais été réputées pour être véritablement les plus grands découvreurs d'artistes, en tout cas depuis longtemps, et en particulier en France. Mais c'est surtout que. À partir de 95-96, la situation a commencé à se détériorer Déjà, alors tu vois, on est jusqu'aujourd'hui. dix Donc ans après. on voit les ruines en fait un petit peu de cette détérioration. Voilà, donc aucun regret. Carrément, t'as quitté Non, le navire en avant. 2000. Hein, voilà. Et puis, tu t'es intéressé, alors hein, quand même, précurseur en la matière, puisque t'as bossé pour une start-up suédoise. Ah, on nous appelle à l'antenne déjà. Ah, on va voir qui c'est. Ma foi. Et puis, donc, par rapport à la vente de musique sur Internet, tu t'es intéressé très, très, très tôt. Alors, c'était quand? En an 2000, ça? C'était en l'an 2000. En fait, je fais partie des projets qui ont fait les frais du manque total de vision et de stratégie des maisons de disques. T'as voulu anticiper, voilà. Toi, t'y croyais déjà à ça. On avait un très beau projet qui permettait de présenter des catalogues underground de reggae, de hip-hop et de musique électronique, de les présenter sur Internet en respectant les droits des artistes. D'accord. C'était très bien fait, on pouvait écouter en streaming, on pouvait télécharger, on pouvait se constituer des CD de compilation sur mesure. Tout le back-office était très bien fait, les maisons de disques étaient rémunérées, les artistes rémunérés, et les maisons de disques ont tout fait pour saquer, enfin pour empêcher des projets comme ça de se développer. En refusant de donner les droits, enfin en faisant des obstacles de manière diverse, qui fait que tous ces projets qui pouvaient permettre aux maisons de disques d'opérer un virage intelligent avec l'évolution et l'arrivée d'Internet, eh ben elles ont un peu scié la branche sur laquelle elles auraient pu s'asseoir. Et elles Voilà. ont elles-mêmes essayé de faire des projets qui émanaient de leur structure, mais comme ils étaient incapables de s'harmoniser et de créer un projet qui soit comment dire, cohérent et qui attire les gens, ben finalement c'est Apple qui a remporté le morceau. Voilà. Et c'est bien mérité, puisqu'au moins eux, avec iTunes, ils ont créé une offre qui est bien faite, qui est intéressante et qui réunit tous les catalogues. Donc tu as lâché l'affaire. Il y a déjà 7 ans, toi, tu pensais à ça, tu croyais à la musique en ligne, effectivement, tu étais dans le vrai déjà Hein, Oui, enfin il bon, faut le dire. j'étais pas très visionnaire, je pense que beaucoup, enfin je veux dire, c'était évident que ça allait évoluer comme ça. Bon, on savait pas Non, mais tu l'as fait au comment. moins. Tu Oui, l'as oui. fait jusque quand ça a marché comment? Il y a eu beaucoup de choses, apparemment le milieu électro aussi en ligne, tu t'y es intéressé. Oui, tout à fait. Enfin bon, on distribuait des catalogues français assez importants, plus des catalogues jamaïcains pour le reggae. Mais pour l'électronique, on avait beaucoup de catalogues français, comme Silver Network, comme. Enfin, j'ai plus tous les noms des labels en tête, mais il y avait pas mal de labels assez réputés, oui. D'accord. Donc là, on parle de Monsieur Pascal Coma, mélomane, hein, effectivement, parce que et il a plusieurs facettes, hein, plusieurs casquettes, le monsieur. Hein, le temps passe, mais voilà, je veux dire, tu t'es intéressé à un paquet de choses et toujours encore. Et on va parler de ton bouquin, mais avant ça, on va se faire un bon petit plaisir. Là, on va se passer un bon gros assassin, là, bien hardcore, puisque comme Zebda et Assassin, tout ça, tu les as suivis de près en tant que intermédiaire d'artiste et compagnie. T'étais jamais trop loin de tout ce milieu. Allez, c'est parti, on se fait un bon gros assassin et puis bah ça va enchaîner carrément sur le thème parce que allez, on s'est fait une bonne playlist là, rien que pour vous. Dans l'évolution de l'analyse des paramètres, qui lâche l'affaire, qui part, qui reste. Certains ont plusieurs baisses, d'autres sont contagieux comme la peste. Et tous veulent du changement. Mais quel changement? Changer de gouvernement, changer de rapport avec les gens, changer les enfants, changer en plus conscient, changer le monde, changer le présent. Ça, c'est sûr, le futur en les pend. Mais quelle solution vaut lutter contre la sociale qui s'installe et pénètre? Chacun d'entre nous qui ne connecte pas son intellect. Je parle clairement pour que tout le monde me comprenne. Autant mes ennemis que mes amis que j'aime. Sommes-nous nés sur cette planète pour reproduire inlassablement les rapports humains guidés par l'incrédulité des gouvernements? Des fois, cut ta télé, change ton quotidien. Rentre dans un musée ou lis un bouquin. L'Odyssée de la vie n'est pas un film au cinéma. Si tu ne t'éduques pas, tu resteras en bas. Je ne veux pas de leader, mais un monde qui m'inspire. Je ne veux pas de pays, mais un enfant qui sache sourire. Pour ça, assassin, combat jour après jour. Oh, et l'Odyssée suit son cours. Entre la peste et le choléra, voilà quand on ne baisse pas trop proche devant les US à tout être révolutionnaire, violent des paniques. C'est comme au poker, on t'arnaque, plutôt tes habits de en bas, en Occident ou pas. Car les peuples insoumis sont aujourd'hui ceux qui poussent du rap installé en amusant, en habit et non négligeable. Pour un occidental, la balle la vie est plus que rentable. On triche, on tue plus que jamais corrompu. Pas de risque manquette de l'ONU. L'Occident approuve, la Somalie le prouve. T'aimes la mer, la récolte puis la trouve. Unissons-nous pour préserver ce qui reste de l'amour. Pour que l'Odyssée puisse ton sont le baromètre de la situation politique d'un pays. On chute les chanteurs de rail en Algérie. On emprisonne les poètes en Colombie. On exécute les luttes en noir aux États-Unis. Et on me parle de respect des droits de l'homme dans mon pays. Non, non, le fleuve coule, la mélodie n'est plus potable. Tu peux t'abreuver à sa source, mais pas au pichet sur ta table. À qui donner sa confiance? Dans l'œil réside la méfiance. L'alliance des poètes n'existe que dans les rêves de l'enfance. La réalité rappelle les réactions radicales d'un réalisme offertement dans ses récifs, la rivalité résultant des relations auxquelles l'homme a recours. Oh, que l'Odyssée suive son cours. Tout le monde debout, levez-vous, unissez-vous, combattez, organisez-vous pour. Levez-vous, tout le Ça fait du bien. Un bon gros assassin là qui, justement, des thèmes toujours d'actualité, Pascal. Forcément, bien engagé ce groupe. Donc, t'étais derrière eux, tout ça. Donc, on va revenir un petit peu à ton côté musique. T'as publié des choses également, puisque bon, t'es écrivain, hein, sans t'auto-proclamer écrivain, ma foi, je le sais. Et donc, t'as paru des choses, allez, dans un magazine qui s'appelle Soweto, Wikipédia, et puis la sélection des Don Pascal. Ah, ça pète ça comme nom, Pascal. C'est quoi toute cette histoire là? Alors, Don Pascal, c'est un peu mon nom de DJ, mon nom d'artiste, on va dire. Parce que monsieur est DJ également. Oh là là, et on va en apprendre un paquet de choses sur ce personnage. Monsieur Kuma, hein, c'est son pseudo, on ne dira pas comment il s'appelle. Alors, Kuma, c'est mon nom d'écrivain. Et Don Pascal, donc, c'est mon nom relié à la musique. Et oui, enfin, j'ai été DJ à la fin des années 80, début 90. Enfin, je le suis toujours, parce que quand on est DJ, on l'est pour la vie. Exact. Simplement, je pratique moins en ce moment, bien sûr, mais toujours avec plaisir quand il y a une opportunité. Et d'ailleurs, sur Barcelone, je pense revenir au platine, effectivement. Bon, et autrement, cool. Oui, j'ai écrit alors la newsletter de Don Pascal, ce que tu cites là. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait à toute petite échelle. J'ai commencé ça en fait, parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient frustrés. Il y a beaucoup de gens qui ils sont curieux en musique, ils ont envie de découvrir des choses, mais ils arrivent dans une FNAC, ils sont perdus. tu m'étonnes. On connaît en plus l'amabilité, la disponibilité des vendeurs FNAC, par exemple. Écoute, c'est la grande distribution, elle est dans la musique également, hein, elle est partout. Ouais, et puis on sait par ailleurs que dans la presse, il est de plus en plus difficile de trouver des critiques qui sont fiables. Et donc j'ai quelques amis qui m'ont dit: Pascal, tu devrais nous envoyer en fait les albums que tu juges dignes d'être écoutés, que tu aimes bien, etc., nous faire partager ça. Et j'ai commencé à envoyer ça à une dizaine d'amis, et puis tu faisais tes chroniques en fait, envoyer tes chroniques, par internet, tout simplement, et puis ça fait boule de neige en fait. C'est, les gens se sont passés le message, et à la fin j'avais une liste d'envoi qui faisait plusieurs centaines de personnes. Enfin, rien de monstrueux. Non, mais enfin, des gens compétents, des ouais. gens passionnés et très bien placés dans la musique qui recevaient tes infos. Voilà, avec un très bon feedback. Bah écoute. Alors, Soweto, c'est autre chose. C'est quand je suis arrivé à Barcelone, j'ai rencontré un Sénégalais qui. Le côté africain, on va revenir là-dessus puisque t'es très passionné de l'Afrique. Oui, j'ai toujours été. Et la musique funky, tout ça, africaine, reggae et compagnie. J'ai toujours croisé les sentiers de l'Afrique, ouais, sur mon parcours. Et donc là, je tombe sur un Sénégalais, mais mes premiers mois à Barcelone. Et puis il me dit: voilà, je suis sur un projet de magazine, etc. Et il avait vu que j'aimais beaucoup la musique africaine et que j'étais collectionneur dans le domaine. Il m'a dit: ce serait bien que tu fasses les pages musicales. Et donc c'est un journal qui a été très éphémère, qui a fait très peu de numéros. Mais ça a été la première tentative de faire un magazine africain qui s'adressait à une clientèle africaine ou clientèle espagnole s'intéressant au sujet africain. Ça parlait pas que de musique, ça parlait de politique, d'économie, tout ce qui touche à l'Afrique et au rapport entre l'Afrique et le reste du monde. D'accord. Et puis il y avait les pages musicales. Ce qui m'a donné l'occasion de faire des choses que j'aurais jamais fait, c'est-à-dire de faire une interview de Kezia Jones, que je connaissais par ailleurs puisque chez Delabel je travaillais avec lui. D'accord. Mais de faire aussi une interview de Ray Lema, et qui est un personnage très intéressant de la musique africaine, et dont j'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer. Ah, il a côtoyé du beau monde, un paquet d'artistes, Pascal. Ma foi, très intéressant. Et on va clôturer cette petite partie de ta vie, enfin petite, qui a l'air conséquente quand même, le côté musical, ma foi. Et on va revenir alors à ta biographie, tout ça, parce que effectivement, t'as écrit un bouquin. Bon, je sais pas si je vais dire que t'es un révolté, mais au moins un déçu de la France, forcément. Enfin, je le pense, du moins pour avoir écrit un bouquin comme ça, qui balance, qui critique ton point de vue personnel. Tu t'es fait ta petite thèse à toi, bien documentée, plein de choses. Enfin, franchement, combien de temps t'as passé pour écrire ce bouquin, Pascal, qui s'appelle, ma foi, allez, on va le dire le nom. Penser à rebrousse-poil. Ah, hein. Alors, faut te prendre dans le sens du poil ou quoi? On ne sait pas. On va voir, hein, parce que bon, ça, on va rentrer bien dedans. Tout ça, alors, pour dire que toi, tu te considères, alors, un enfant des bastions historiques français et espagnols contre le centralisme et l'oppression des capitales et des États. Mmh. Alors, donc, concrètement, tu penses que la place de l'État n'a plus vraiment sa place, ou ils sont trop présents dans certains milieux, certains domaines. Toi, tu balances carrément qu'effectivement, pour être entrepreneur en France, on est découragé, même si on a une certaine illusion des aides pour créer des entreprises, bien sûr. Hein, n'y a pas de souci là-dessus, on est aidé en France. Mais rien n'est simple. Franchement, hein, ça c'est clair. Il y a un paquet de gens qui sont barrés de France pour ça. On reviendra justement ta vision de la gauche et de la droite, puisque c'est des élections. Pourquoi toi, la gauche, effectivement, tu peux en être déçu, et puis la droite, la gauche française, qui, la gauche française, qui est-ce qu'elle est à gauche? Quelqu'un veut intervenir. Attends, on va revenir à toi, t'inquiète. Alors, écoute, ma foi, donc l'entreprise, c'est difficile. Et puis tu dis qu'effectivement il y a un paquet de pièges, un paquet de bâtons dans les roues pour pouvoir gagner sa vie, être satisfait en France dans de bonnes conditions. Surtout pour avoir un débat, un vrai débat en fait. Un vrai débat. Voilà. Tu parles du terrorisme intellectuel qui fait qu'on ne peut pas vraiment débattre des idées. Justement. Alors en plus il y a une préface dans le bouquin qui explique longuement effectivement la définition de plusieurs thèmes, ma foi, puisque, alors, on revient à ça. Donc, toi, tu penses que, alors, effectivement, qu'il y a des fondements de l'idée libérale qui sont déformés ou ignorés, entre autres, et que ma foi, même tu critiques l'enseignement. Oui, je me prive pas. Tu te prives pas, par rapport à l'histoire de la France. Voilà, t'as ta vision, t'as lu un paquet de bouquins, t'as lu un paquet de bouquins qui t'ont influencé, et toi apparemment, tu penses qu'il y a certains philosophes ou économistes qui sont mis en avant en France et d'autres qui passent aux oubliettes. Explique-nous un peu pourquoi. Oui, enfin, je le mettrai pas en ces termes-là exactement. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a une histoire très ancienne. Enfin, déjà, il y a une histoire d'amour entre la France et le marxisme. Et la plupart des intellectuels français, et en tout cas effectivement ceux qui ont eu le plus d'impact, de retombées, sont des gens qui ont soit voué un culte au marxisme à l'époque où c'était encore quelque chose, où on n'avait pas encore fait le bilan des applications du marxisme en Union soviétique, etc. Et même après cela, des gens qu'on appelait des néo-marxistes, c'est-à-dire, oui, bon, on n'est pas staliniste, mais bon. Il y a une histoire d'amour entre Marx et la France, il y a une histoire d'amour entre quelqu'un dont on sait qu'il s'est énormément trompé, même s'il a fait certaines peut-être analyses qui étaient pertinentes, mais enfin qui s'est énormément trompé sur des points fondamentaux de l'économie et de l'histoire, je parle de Marx. Bien sûr, et qui surtout quelqu'un qui prêchait la haine du capitalisme et du capitaliste. Or, on ne construit pas une société en prêchant la haine ou la méfiance. Une société, on la construit avec des gens qui sont les uns avec les autres. Bah, ça tombe bien, la haine ou la méfiance, on ne sait pas, puisque effectivement, il y a toujours Le Pen en liste et puis Sarkozy. C'est très tendu justement par rapport à ces termes-là actuellement en France. Ça se ressent, il y a certaines pressions. Et ouais, on est à 6 jours des élections, Pascal. Effectivement. Alors, moi, je reviens sur ton bouquin. Ton bouquin. Alors, toi, tu parles du côté on est politiquement correct ou pas en France, entre autres, par rapport à la point de vue de ton bouquin, politiquement correct, faut voir, puisque tu dis qu'il y a une France avec une certaine soft idéologie, ma foi. Et dans ton bouquin, il y a un paquet de termes économistes. Et franchement, on conseille à tout le monde de le lire parce que toi, tu as fait ton bilan. Alors, tu parles de plein de thèmes. Alors, concrètement, pourquoi la France, pour toi, elle ne marche pas actuellement? Pourquoi la France ne marche pas actuellement? Je sais pas, les politiciens, ça fait 20 ans que pour toi, ils ne se bougent pas, on a récupéré du passé difficile à gérer. En fait, pour prendre la chose à partir de quelque chose qui, aujourd'hui, quand même, est reconnu par, je crois, une grande majorité de gens de bon sens et de compétences économiques, hein, et en termes de responsabilité, la France a besoin d'être réformée, ça fait 25 ans ou 20 ans au moins que la France a besoin d'être réformée sur certains points très importants. Alors, dis-nous qu'elle justement, n'est pas réformée. Certains points. Bon, sur certains points, c'est-à-dire, bon, il y a la question des retraites, il y a la question du marché du travail, il y a la question, on est un pays qui a un taux de chômage, je veux dire, qui par rapport aux autres pays européens. On est à 4 millions. Hein. Est-ce que toi, tu confirmes les vrais chiffres du chômage qui ont été balancés par plein de syndicats, de contre-experts en la matière Je pense que, bon, comment dire, se disputer sur les chiffres du chômage aujourd'hui, bon, c'est très polémique parce que bon, c'est juste avant les élections que la gauche a intérêt à contester les chiffres. Peut-être qu'il y a, enfin certainement, oui, mais il y a un manque de fiabilité des chiffres du chômage. Ils sont tous complices. Voilà. Mais que c'était la même chose sous les gouvernements de gauche. Exact. C'est aujourd'hui le cas sous le gouvernement de Villepin. Mais de toute façon, ça ne change pas le fait qu'il y a un taux de chômage en France qui reste trop élevé. Et qu'il y a un problème de rigidité du marché du travail. Pourquoi ? Parce qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on dit il faut empêcher de licencier les gens, il ne faut pas licencier les gens. Mais si vous empêchez de licencier les gens, si vous empêchez un patron de licencier des gens, qu'est-ce qui va se passer ? Il ne va pas embaucher. Ou alors il va faire que des contrats à durée déterminée. Et le problème du CPE, c'est un problème qui a bloqué sur quelque chose. Ça a été maladroitement amené de la part du gouvernement Villepin. L'intention était bonne. Elle était justement de donner l'accès au travail à ceux qui sont dans la situation la plus précaire, aux jeunes qui ont le plus de mal à en trouver. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont... C'est médiatique, tu veux dire que ça a été mal interprété par plein de gens. Donc il y avait une phrase dans ce projet qui était « sans justifier les raisons du licenciement ». Et il y a la gauche et tous les syndicats de gauche qui se sont accrochés comme des tics sur ce bout de choses vulnérables dans le texte pour le faire capoter et pour faire un rapport de force, encore une fois, avec le gouvernement. Alors que c'était un projet qui visait à aider les gens qui ont besoin d'être aidés. Donc en gros, ce serait quoi ? C'est une bataille de pouvoir, en fait. C'est bien entendu une bataille de pouvoir et dans laquelle c'est la démagogie qui remporte tout le temps la partie. On cherche plus l'intérêt du citoyen, c'est une simple et pure bataille de pouvoir entre des partis opposés. On prend le cas de pays comme la Suède ou le Danemark. On nous appelle de France encore. Le standard est en train d'exploser pour toi, Pascal, et les Marcel tout à l'heure, bien sûr. Donc, alors. Tu parlais de l'exemple de la Suède ? Oui, juste pour terminer là-dessus, on prend l'exemple de pays comme la Suède et le Danemark, qui sont quand même pas connus pour être des pays ultra-libéraux. On a souvent parlé du modèle scandinave, en particulier au niveau du. Royal s'en inspire beaucoup, hein, apparemment. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre les problèmes qu'ils avaient avec un taux de chômage qui était aussi important ? Ils ont institué la liberté de licencier totale. Et sans justification, hein. C'est-à-dire il n'y a pas eu comme en France. Et ce qui s'est passé, par contre, il y avait des ton côté libéraliste alors. Il y avait des mesures d'accompagnement pour les gens qui étaient licenciés. Il y avait des droits de chômage qui étaient allongés. Mm-hmm. Et il y avait une action de formation qui était entreprise. Mais par contre, on ne pouvait pas là-bas refuser. 4 fois de suite un travail. Ils ont voulu faire ça il y a 3-4 ans ici. Il y a 3-4 ans en Espagne. Hein, il y a eu la Huelga Générale, comme ils l'ont dit. Et ce n'est pas passé non plus. C'était un peu la même philosophie, la même vision des choses. On revient sur les pays scandinaves parce qu'actuellement, nos patrons en France se disent qu'est-ce qu'on fait ? On continue à travailler, on donne du travail aux gens. Et l'ISF et tout ça, on voit qu'au Danemark, dans les pays scandinaves, en Suède, ils comptent enlever l'impôt sur la fortune. C'est un grand tabou en France. Ça vient de. Et on est dans l'Europe, on comprend pas, puisqu'il y a d'autres pays qui font l'inverse et compagnie. Je crois que les gens sont un peu perdus actuellement, Pascal. Sur ce point, parlons de ce point de l'ISF. Hein, parlons-en. Qui pour moi est un point très important et très représentatif de ce qui se passe en France et de l'esprit français. Je suis dur avec... Enfin, tu disais tout à l'heure, je suis un déçu de la France. Bon, le mot est un peu dur. Je fais partie, par contre, de beaucoup de ces gens, expatriés, etc., qui sont plus que perplexes et tristes quand ils voient comment la France marche sur la tête. En parlant de l'ISF, c'est effectivement un impôt qui est en train d'être supprimé progressivement par tous les pays qui l'avaient mis en place. C'est un impôt qui est complètement stupide parce qu'il fait fuir toutes les grandes fortunes et qui sont souvent des gens qui sont entreprenants. Exact, et qui sont forcément. Potentiellement, même si eux ont vendu leur entreprise, qui sont potentiellement des business angels, c'est-à-dire des gens qui peuvent aider des plus jeunes à créer leur entreprise avec leur expérience, avec leurs compétences et avec leurs capitaux. Bon. Par ailleurs, je veux dire, le problème de la France, il y a une énorme jalousie. Il y a une jalousie vis-à-vis du riche. La France, en France, on aime bien faire de l'égalitarisme. La France est un pays qui est beaucoup plus amoureux de l'égalité que de la liberté. Donc, on sacrifie à la liberté de gagner son argent et d'en faire ce qu'on veut, l'égalitarisme, le fait de mettre tout le monde au même niveau, mais pas en nivelant par le haut, en nivelant par le bas, en coupant les têtes qui dépassent, sauf les têtes des hauts fonctionnaires. Parce que comme on est un pays qui est très étatiste et qui adore les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, ce sont les vrais privilégiés. Et les politiciens, on ne les oublie pas, qui sont des fonctionnaires, bien sûr. Et les élections bientôt. Ah, alors, franchement, alors ça, effectivement, c'est le grand enjeu. On sent même que bah, tout le monde s'y intéresse hein, à l'extérieur. Il y a des certaines visions espagnoles, tout ça. Monsieur Sarkozy est venu jusque Madrid faire un discours, entre autres. Il y a eu des débats à l'Institut français également. Ça parlait beaucoup de sondages là-bas. Qu'est-ce que tu penses des sondages? Parce qu'on en est à 300 actuellement et on en a parlé dans nos émissions précédentes de l'infiabilité totale. Eh ben, je pense que justement qu'on va être très surpris parce que je pense que ce que ne disent pas les sondages, c'est que Le Pen va faire un gros score aux prochaines élections, encore une fois, que ça arrive gros comme une maison et que personne ne le voit. Enfin, personne en tout cas au niveau médiatique et au niveau... à part Sarkozy, je pense, qui est lucide et qui justement, il a fait des déclarations. Effectivement, il cherche à récupérer des électeurs. Ah bah c'est évident. Au Front National. C'est complètement évident. On lui tombe dessus, alors que c'est justement peut-être qu'il nous rendra le service d'éviter que le Front National soit au deuxième tour des élections présidentielles pour la deuxième fois en France. Et là, ce serait vraiment une vraie honte internationale. Bah, la honte internationale, elle est bel et bien présente. Hein. Elle est bel et bien présente et ça fait flipper. Ça fait flipper quand même. Donc alors Pascal, tu as soulevé des grands thèmes dans ton bouquin. Il a pas, comment ça se passe la distribution? T'as pas eu de problème pour le mettre en vente, tout simplement, le distribuer? Mais il n'a pas été censuré parce que tu parles de tellement plein de choses, ta vision aussi sur le racisme à la française. Non, bah, ce serait facile et flatteur pour moi de dire que j'ai été censuré, mais je pense pas que j'ai été censuré, je pense simplement que j'ai été, j'ai juste pas été publié. Pourquoi ? Parce que les éditeurs, ça ne les intéresse pas de publier le premier ouvrage d'un inconnu qui n'est pas un autorisé, c'est-à-dire un universitaire, un journaliste, un économiste. Et quelle que soit la pertinence qu'il peut y avoir dans les sujets traités, ils ne prendront pas le risque de le faire. J'ai eu des retours positifs de certains éditeurs majeurs, comme Plon, Jean-Claude Lattès, Perrin, je crois, qui étaient vraiment des réponses circonstanciées, voire des gens avec qui j'ai parlé au téléphone, qui m'ont encouragé à continuer, qui parlaient qui évoquaient tout ce qui faisait la qualité de l'ouvrage, mais ça ne rentrait pas dans leur ligne éditoriale, manière polie de dire que voilà, ils ont pas, ils prendront pas le risque de publier. Tiens, on a Constance qui est toujours présente dans le studio, hein, qui va rebondir. Dis-nous. En fait, c'est un peu décalé, un tout petit peu, mais au tout début, tu as dit que le taux d'abstentionnisme, tu étais sûr qu'à ces élections, va être faible. Ouais. Moi, j'ai vachement envie de te demander qu'est-ce qui te fait penser ça. Ah, mais c'est... Non, parce mais ça, c'est vrai. Hein. Je sais pas, moi, j'ai eu une approche en France, je suis rentrée il y a pas longtemps, j'ai pu parler avec des gens, et autour de moi, j'ai essayé de sonder un peu, de voir des gens que je connaissais, que je connaissais pas. Et j'ai eu quand même pas mal de réponses d'abstentionnisme. Alors, qu'est-ce qui te fait dire? Je suis un peu surprise, en fait. Je voudrais savoir ce qui te fait dire que l'abstentionnisme sera bas à ces élections. Bon, je serais peut-être surpris moi-même, mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de convergences d'informations, comme exact. Par exemple le taux d'inscription dans les bureaux de vote, qui a vraiment augmenté énormément par rapport aux autres années. Il y a quand même eu des mobilisations importantes pour pousser les jeunes de banlieue à aller voter. Il y a par ailleurs, aujourd'hui, les enjeux de ces élections l'opposition entre des points de vue différents sur la France, les problèmes qu'il y a à traiter et comment les traiter, fait qu'aujourd'hui, entre le camp qui défend plutôt la gauche et le camp qui défend plutôt la droite, enfin, je parle de Sarkozy, puisque je ne prends pas en compte les gens qui supportent Le Pen, okay. ni Besancenot, etc., ces deux camps sont vraiment à couteau tiré. Je veux dire, j'ai moi-même des discussions avec des amis qui ne partagent pas les mêmes idées que moi, et ce sont des discussions qui sont extrêmement tendues. Et je pense que beaucoup de gens vont vraiment tenir à aller voter et à ne pas aller passer... D'accord, mais est-ce que ce n'est pas un vote par rejet, quoi ? C'est-à-dire ce vote de « je ne veux pas Sarko, je ne veux pas Le Pen, je vais aller voter Royal ». Moi, je l'ai entendu 15 fois là, ces derniers temps, j'étais en France, et en même temps, hyper décevant, parce que tu as envie de dire « non mais attends, est-ce que tu veux voter Royal ?» Ou est-ce tu vas voter... Enfin, le vote par opposition, il est un peu décevant aussi, non ? Le candidat idéal n'existe pas, ça, c'est une évidence. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'à gauche, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont effectivement, avec le temps, déçus par Ségolène Royal. Parce que, bon, voilà, quoi, il devient patent, de plus en plus patent qu'elle fait. Elle n'est pas à la hauteur sur énormément de sujets. Ouais. Par rapport à quoi ? Que ce soit les gens qui l'entourent, plein de choses. Au niveau international, au niveau de la manière dont elle s'entoure et dont elle et dont elle refait ses équipes, etc., au niveau de sa manière de répondre concrètement à des questions concrètes, son c'est-à-dire de ne pas répondre concrètement fantôme, à des questions elle concrètes, un programme fantôme, de botter en touche pour une raison X ou Y, de dire oh, vous me posez cette question parce que je suis une femme, si la question la dérange, etc. Se sent pressé, tout ça. Alors, toi, tu dis qu'elle a un sourire à la Joconde. C'est un petit trait que je lui ai adressé. Effectivement. Ségolène. Alors Ségolène qui est entourée, il y en a beaucoup qui disent d'éléphants, certains qui disent dinosaures également, de gens qui ont déjà fait leur preuve ou pas dans un passé. Beaucoup de gens vont aller voter, mais beaucoup se rendent compte que c'est parti pour 5 ans de galère, que ça passe. Économiquement, avec la gauche, ça va être très très compliqué. Avec la droite, ça va être très sécuritaire. Les thèmes d'immigration actuels. C'est pas mon point de vue. C'est pas mon point de vue. Avec la gauche, ça va être mon point de vue, et qu'avec la gauche, ça va être chaud parce que la plupart des réformes qui sont nécessaires ne seront pas faites ou seront faites à moitié, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Et avec Bayrou, ce sera à peu près la même chose. Tu veux dire les mobilisations de syndicats et de fonctionnaires qui ne veulent pas alors de réforme. Oui, mais ça, c'est Sarko, ça on c'est Le Pen, c'est quoi alors? Non, alors Le Pen, bien entendu, non. Non, bien sûr. Quant à Sarko, mon point de vue personnel, c'est qu'on lui a taillé un costard incroyable, et qu'entre la description... Enfin, le costard de Sarkozy qui est taillé à tous les niveaux. Il y a eu une manipulation de l'information concernant Sarkozy qui est phénoménale. J'ai suivi, par exemple, les événements de Belleville, les arrestations devant une école de Belleville, les événements de la gare du Nord, etc. Enfin, la manipulation de l'information est... Enfin, eux aussi savent bien la manipuler, nos politiciens. Attention, parce non, bien sûr, mais... Là, ils sont dans la course. Il y a un esprit d'entreprise des partis politiques tout analysé. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il y a... Il y a des chaînes comme Canal+, qui combien d'émissions Canal+, a produit anti-Sarkozy, pour démonter Sarkozy. Arnaud Vivian, qui parle des événements de Belleville sur la France Inter, notre radio nationale, mais on a l'impression, attention, les rafles de juifs ont commencé, on se reprendrait. Justement, pourquoi autant de monde à son encontre? Pourquoi est-ce que ce type aurait autant de médias qui essaie de le discréditer, ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je pense qu'avec Sarkozy, il y a plusieurs choses qui sont réunies. D'une part, traditionnellement, les gens qui étaient habiles au niveau de la communication ont toujours été plutôt à gauche en France. Okay. Ça a plutôt été toujours l'apanage de la gauche. Et là, avec Sarkozy, c'est le contraire. Quelqu'un qui sait renvoyer la balle des censeurs, et qui sait répondre, et puis qui sait se servir des médias, mm-hmm. aujourd'hui, number one, enfin si on exclut Le Pen, qui lui aussi est assez bon, Mammouth de la politique. Mais ouais. C'est Sarkozy qui l'emporte. Donc ça déjà, ça énerve, puisque ça représente un danger énorme par rapport au désir de pouvoir de la gauche. Mm-hmm. Il y a déjà ça. Il y a le fait que, bon, on le sait, Sarkozy est ambitieux, mais qui n'est pas ambitieux parmi les candidats politiques? Sarkozy, il n'a jamais caché ses ambitions, etc. On dit qu'il a trahi Chirac. Quand on connaît bien l'histoire entre Sarkozy et Chirac, elle n'est pas aussi, limpide que ça. Bah écoute, en parlant de ça, justement, apparemment, Sarkozy aurait dit à Chirac qu'il va faire passer une loi. Déjà, et bon, il a déjà bien travaillé le terrain, Sarkozy, depuis qu'il est au pouvoir. On peut dire que si... Il est président, Sarkozy. Quelque part, ça, c'est pas pour 5 ans, ça sera pour 7. Pour l'instant, c'est des on-dit. Moi, j'écarte pas du tout le fait que ce soit possible. Mais parce que des arrangements politiques à ce niveau-là d'enjeux, j'écarte pas le fait que ce soit possible. Pour l'instant, ce sont des on-dit. C'est comme on dit qu'à Belleville, la police est allée jeter des bombes lacrymo sur les enfants. C'est malheureusement ce qui s'est passé quand même, malgré eux, quoi. Je veux dire, apparemment, c'était quand même ce qui s'est passé. Oui, mais entre la police mène des opérations volontairement à la sortie des écoles pour en n'hésitant pas à jeter des bombes lacrymo sur les enfants. Non, bien sûr, non, ça a dégénéré. L'effet, c'est que la préfecture de police, Sarkozy n'avait rien à voir avec ça, la préfecture de police a mandaté un ordre pour aller faire des contrôles dans un certain nombre d'endroits de Paris, parmi lesquels il y avait un bar qui s'appelle le Petit Rampal. Il se trouve que ce bar était en face d'une école maternelle, c'était pas prévu, c'était pas étudié par l'ordre de la préfecture. Non, bien sûr, on est d'accord. Mais entre la manière dont l'information est rapportée et les véritables responsabilités. Oui, il y a une manipulation incroyable, même par Internet. J'ai une amie qui vit à Toulouse, qui est assez gauche anarcho, qui reçoit des milliers de mails contre Sarko, qui me dit oui, mais sa rue, elle est toute bouclée, tous les petits commerçants se sont plaints. C'est une réalité. Oui, mais bon, il se promène avec 80 personnes en permanence. C'est qu'à la limite, ça devrait rester anecdotique, quoi. C'est quelque chose qui doit être pris, je pense, peut-être plus à la légère, quoi. On donne une gravité aux choses, on les amplifie par le moyen des médias d'une manière à la limite assez vulgaire, quoi, qui est trop grossie, qui est trop... Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est ça. Alors ça, sur Internet, partout, on est d'accord qu'il y a de la contre-information et de l'information... Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, tu sais. On ne sait pas, mais il faut se faire une idée. C'est incroyable, c'est un peu... Alors, bon, et on va se remettre à la cool, on va s'écouter justement, hein, on va s'écouter la Marseillaise avec Serge Gainsbourg pour repartir sur plein de choses. Ma foi, elle est Marcel d'ici peu. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant de lever. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, viennent jusque dans nos bras et gorgent nos fils, nos compagnes. Franchement, ça fait du bien. Un bon petit Gainsbourg, normal, hein, la Marseillaise, que tout le monde reprend maintenant. C'est ça qui est bien. Moi, franchement, ça me fait plaisir, Pascal, de voir que nos politiciens, quand même, reviennent à des choses quand même traditionnelles. La Marseillaise, je suis désolé, le drapeau français, qui est rentré dans les esprits pour les gens, de voir quand on voit un drapeau français ou qu'on écoute la Marseillaise, c'est FN. Mais non, putain. Ouais, c'est vraiment trop con. Bon, après, Ségolène a déliré sur ses drapeaux qu'il faut mettre comme aux États-Unis sur les balcons, tout ça. Bon. Petit accès de démagogie. Bon, en même temps, la Marseillaise, elle est un peu dure, non? Elle est un peu raide quand même. Ouais. Sans parler de qui l'a repris. Les textes en elles-mêmes, moi je les trouve assez raides. Je déteste chanter ça. Quoi. Bah, c'est raide, mais c'est, ça, pas un hymne. C'est notre histoire. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, non, mais c'est un appel à. Enfin, bon, on va peut-être pas discuter sur ça pendant 10 minutes, mais je sais pas. Enfin, je la trouve un peu dure. Bah, effectivement, comparé à d'autres hymnes, même. Bon, voilà, c'est Gainsbourg qui nous l'a fait en reggae. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Radio Contrabanda, ça reste non, toujours. Comparé à d'autres pays, t'écoutes un peu les hymnes européens. À part quelques pays qui ont une histoire assez lourde, bon, comme la nôtre, mais il y en a qui ont quand même peut-être pris la légèreté d'avoir un truc plus, je sais pas, nous c'est quand même hyper sanguinolent, hyper, c'est un appel à la violence quand même, bah je ouais, trouve. Mais c'est comme ça, moi, je dirais que soit en relativisant la chantant, soit on fait un débat sur l'opportunité de changer la Marseillaise. Ouais, mais on voilà. Peut. Bon, mais c'est une autre époque, on le sait, c'est une autre époque. Aujourd'hui, regardez Gainsbourg qui parlait de les textes de Gainsbourg sur les Lolitas, etc. Aujourd'hui, Gainsbourg, on le mettrait en prison pour ça. C'est dingue, c'est vrai. Donc voilà, il faut, je vais dire, l'histoire, tout est relatif. Quoi. Tout est relatif, exactement. On va parler du thème, Pascal, au sujet de l'immigration. T'as ta vision là-dessus, dans ton bouquin, tout ça. Moi, je suis tombé sur un article dans la presse dernièrement qui nous parle de quelqu'un, ma foi. Alors, tu vas me dire un peu si t'es d'accord par rapport à la relation entre effectivement les Espagnols qui ont bougé en France. Alors il y a quelqu'un qui a fait un bouquin là-dessus. Hein. Bon, c'est comme toi, hein. C'est comme ton bouquin, il faut se les taper les pages. Là, il y en a 700. Donc, alors un certain monsieur qui s'appelle exactement Javier Cervera, j'allais dire Cerveza, mais pas encore, hein, c'est tout à l'heure, Cerveza avec les Marcel, bien sûr, les Ch'tis et compagnie. Voilà, donc ce monsieur, il nous parle effectivement qu'il y a eu un exode d'Espagnols en France, bien sûr, sous Franco, 200 000 Espagnols qui ont passé la frontière en 1939. Et il y avait beaucoup de communistes qui apparemment se sont fait bien démonter en France, et ça a été très difficile pour eux et pour les anarchistes également. Il y a eu des répressions, une opération Botero l'Aprica, et on apprend, alors ce monsieur historien fait un bouquin là-dessus sur la France, hein, les Espagnols et compagnie, et on apprend entre autres que la France à cette époque-là, bon, forcément se portait mal, bien sûr, aussi, et qu'il y a eu un accueil des Espagnols vraiment difficile. Hein. Les Français ont été très, très durs avec les Espagnols quand ils sont arrivés, ils les ont traités mal, et voilà, ils les ont maintenus en camp, apparemment. Incroyable. Et après, ils ont bougé vers le sud sans travail et ils ont commencé à être un problème pour la France, et parce que la France les a maltraités avec peu de sympathie par rapport à la population. Alors, cette comparaison, on a l'impression de voir également que le problème se pose en France par rapport à une vague, effectivement, d'immigrés qui sont venus nous donner un coup de main après la guerre en France, par exemple les pays du Maghreb ou autres. Les gens ont peut-être, qu'est-ce que tu en penses, les gens ont peut-être perdu la vision du devoir de mémoire, tout ça. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'immigration en France? Le problème de l'immigration, c'est un problème très compliqué où il faut vraiment aller en détail et en finesse dans les choses. Moi-même, j'ai un grand-père qui est immigré espagnol, mais c'était avant le franquisme. D'accord. Oui, puisque tu es d'origine catalane. Hein. C'est ça. Enfin, j'ai, donc tu es de retour aux sources. C'est d'origine catalane, effectivement. Bon, concernant ce que tu dis, concernant les immigrés espagnols, bon, enfin, je sais très bien qu'à l'époque, par exemple, dans ces années-là, il y avait des immigrés espagnols, il y avait des immigrés italiens, et qu'ils étaient souvent traités avec des colibés racistes, qu'ils étaient souvent enfin, traités de manière... De toute façon, dans énormément de pays, les immigrés sont souvent traités de la même manière. On dit la France raciste, c'est vrai que ça n'honore pas les Français, les choses que tu cites, de la même manière que le racisme de certains Français vis-à-vis actuel, de certains actuel. Immigrés. Actuel. Puisqu'on entend en France quand même des propos, des gens qui citent maintenant littéralement Le Pen dans leurs propos quotidiennement avec leurs amis, tout ça. Et on entend des choses quand même vaut mieux pas écouter. Et en même temps, je trouve que beaucoup de gens tombent dans le panneau à cause de choses comme ça, de dire la France raciste. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup voyagé et je peux t'assurer que la France est un des pays les moins racistes du monde. Il y a des gens racistes en France. Il y a une proportion de gens racistes en France qu'il est impossible de déterminer, de calculer. Ça n'a pas de sens. Mais il y a des gens racistes en France. Mais dans l'ensemble, tu regardes la façon dont sont traités les gens dans l'ensemble, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, la France est un des pays les moins racistes du monde. Mais alors comment t'expliques, sans vouloir associer directement Le Pen au racisme, mais quand même un peu, disons, tolérance zéro au niveau de l'immigration. Non, mais il ne faut pas... Le Pen, comment tu expliques son arrivée au second tour en 2002 si tu dis que la France est un pays les moins racistes ? Le Pen, il surfe sur une conjonction de choses. Ouais. Il surfe sur le fait que la France a conjugué plusieurs choses. Une immigration importante, massive, avec en plus des regroupements familiaux, des choses qui ont vraiment multiplié la chose. Et tu crois que ça a été bien géré ? Attends, juste laisse-moi. Bien sûr. Plus le fait que économiquement, on avait une politique de gauche. Parce que ce soit la politique de Mitterrand, celle de Chirac, celle de Bérégovoy, ou celle de Balladur, etc., c'est une politique de gauche. C'est-à-dire une politique qui fait qu'on se retrouve avec un taux de chômage de 8 à 10%, qu'il n'y a pas de dynamisme, c'est-à-dire que le dynamisme entrepreneurial, ceux qui créent les richesses, ceux qui créent les emplois, est paralysé. Donc, pris en sandwich entre une immigration importante, pas de travail pour les gens, des situations, et plus effectivement un certain nombre de failles au niveau de l'éducation, au niveau de l'autorité parentale, au niveau de l'accompagnement de ce qui peut l'être dans l'intégration de ces familles fraîchement immigrées ou de la première génération de ces familles. Mmh. Et donc il y a eu la conjonction de ces choses-là qui ont créé un malaise, des situations de tension, d'insécurité, d'incivisme. Et Le Pen surfe sur cette situation. Et mais Sarkozy si on avait également. Une situation, oui, mais Sarkozy également. Mais il faut pas oublier certaines choses quand même, parce que justement, c'est là qu'on voit aussi que les choses sont incroyablement déformées. Faut pas oublier qu'il y a quelques années, la gauche n'osait même pas parler d'immigration. Elle n'osait plus parler d'immigration. Et la droite parlait d'immigration zéro. Sarkozy arrive, il dit immigration, oui, on a besoin d'immigration, vive l'immigration, mais immigration choisie. Et là, on lui tombe tous dessus en disant ouh, immigration choisie. Il y a un problème. Comme au Québec, tu veux dire. C'est-à-dire, il faut montrer son diplôme pour avoir un non, visa mais c'est ou autre, des choses comme des ça. Bêtises, donc dans certains pays, l'Australie. Laisse-moi terminer là-dessus. Laisse-moi terminer parce que c'est très important. Ça, c'est la version, c'est ce qu'on essaie de faire croire maintenant. C'est que Sarkozy est pour une immigration où on va voler les talents de l'Afrique. C'est ridicule. Je veux dire, ceux qui ont des diplômes en Afrique, c'est pas parce que la France a fait une immigration choisie ou pas choisie qu'ils vont pas essayer ou pas de venir en France en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Parce que de toute façon, c'est pas demain la veille qu'ils vont gagner autant en Afrique qu'en France. Donc, immigration choisie ou pas, il y aura toujours, tant que l'Afrique ne sera pas à même d'offrir des opportunités, des challenges, etc., il y aura toujours des gens qui viendront frapper aux portes de la France et aux portes des États-Unis, parce qu'aujourd'hui, les Africains qui viennent en France, il y en a de moins en moins, ils vont aux États-Unis, parce qu'ils ont compris qu'en France, les portes étaient encore ouvertes. Oui, effectivement, voilà. Mais bon, c'est un constat. Mais c'est normal aussi. Je veux dire, la France n'est pas dans une situation où elle peut, puisqu'elle n'est même pas capable de donner du travail à tous ceux qui sont sur son sol. Donc, c'est économiquement parlant. Prenons le cas de l'Angleterre, Londres, qu'on voit une multitude culturelle et de culture, enfin de tout ce qu'on veut, effectivement, et que les gens ont du boulot. L'Allemagne qui a remonté un peu la pente, également l'Irlande qui parce cartonne. Qu'elle a réussi à faire des réformes que nous on n'a pas fait. Oui. Et donc voilà, le constat c'est qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde en fait. Ce qui ne veut pas dire donc qu'il faut arrêter l'immigration. On sait tous qu'en Europe, qu'en France, on a besoin d'une immigration importante dans les décennies à venir. C'est une évidence. Ouais, le taux de natalité, au rapport mais, strictement. Voilà, mais la question enfin, on en avait déjà parlé de ça. Ouais, le taux de natalité français est le plus élevé d'Europe. C'est le plus élevé, mais il n'y a quand même pas le seuil de renouvellement. Il n'y a pas le seuil de renouvellement en France, on a besoin de l'immigration. Comme en Irlande. Donc c'est déjà quelque chose dont on ne parle pas et qui est un problème réel. Quoi. C'est-à-dire tolérance zéro immigration, la France, elle plonge. Non mais bon, tous les gens sérieux le reconnaissent. On sait qu'on a besoin d'une immigration, d'une immigration importante. La question, c'est cette immigration. Est-ce qu'on accepte qu'elle soit contrôlée par ceux qui arrivent comme ils peuvent à passer les barrières ? Et puis qu'on leur... vous avez réussi à rentrer sans respecter la loi. C'est bien, on vous donne vos papiers. Ou alors, est-ce qu'on essaie de contrôler un minimum ? Aujourd'hui, il y avait une conférence européenne de tous les pays européens. Les pays européens ne sont pas une confédération de pays fascistes, à ce que je sache, hein, et qui étaient contrôlons notre immigration. Voilà. Donc, et pourquoi, quand c'est Sarkozy qui dit ça, tout le monde lui, enfin tout le monde, toute la gauche lui tombe dessus en disant ou le fasciste, l'égoïste, l'indifférent aux problèmes des gens. Donc non. Toi, tu veux dire que la gauche est un petit peu, on va dire, tranquille sur ce niveau-là, ça avance pas trop, démagogue, pour justement démagogue. La gauche française est démagogue. La gauche française est une triste gauche. Et c'est la gauche française est une gauche qui n'a pas fait son aggiornamento, qui n'a pas évolué, qui est toujours influencée par le marxisme et qui ne sait que tirer sur les mêmes ficelles et presser les mêmes boutons du « on va prendre aux riches pour donner aux pauvres », du « l'injustice, c'est pas juste, la pauvreté, c'est pas juste ». Ça, effectivement, ça c'est des phrases bateau, bidon, tout ça, mais le politicien savent bien nous amadouer et nous en sortir un paquet. Effectivement, parlons culture dans la politique, parce qu'on a vu justement que Ségolène n'a pas fait faire son discours sur la culture par Jack Lang, et Jack est déçu. Ma foi, hein, ça s'est passé le 26 mars à Nantes, et c'est une certaine Aurélie Filapetti qui a écrit le texte de Ségolène. Donc voilà pourquoi. Alors il dit, je suis quand même celui qui a révolutionné la culture en France. Ouh là là. Alors peut-être qu'il s'embarque un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il a fait quand même des bonnes choses pour la culture à une époque. Voilà pourquoi il se fait traiter d'une façon. Ségolène a commis un crime de lèse-majesté. Ah. Et puis bon, on a pu écouter Le Pen au niveau de la culture. Alors il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Mais de toute façon, il suffit de voir comment ils ont géré les bibliothèques dans le sud de la France pour savoir que Le Pen au pouvoir, c'est vraiment pas souhaitable. Ah, bon, alors ça, c'est une très bonne info. Je voulais quand même, par rapport au livre, puisque donc... On parle de ton bouquin qui résume un peu tout ça, ta vision des choses. Les lignes directrices du livre, c'est quand même avant tout... Une des raisons et un des axes de ce livre, c'est que j'avais lu un livre très intéressant de François de Closet avant les élections de 2002. Mmh. C'est un livre qu'il avait publié quelques années avant les élections de 2002, qui s'appelait Le Compte à rebours, et dans lequel il analysait tous les facteurs qui renforçaient le Front National et qui faisaient qu'on risquait de se retrouver avec le Front National très bien placé dans les élections. Il avait été extrêmement visionnaire, puisque donc on sait ce qui s'est passé en 2002. Mon livre, je l'ai un petit peu écrit dans cet esprit-là, c'est-à-dire en essayant de décortiquer tous les ressorts, tous les dessous qui renforcent le Front National et qui sont alimentés en grande partie par la gauche, sa démagogie et ses archaïsmes. Et un autre axe du livre, c'est d'essayer d'avoir un vocabulaire pour faire comprendre à des gens qui ne sont pas forcément familiers avec l'économie, avec la politique, employer un vocabulaire qui leur permette de prendre connaissance de certaines problématiques. Enfin, il faut prendre le temps de le lire, le livre, parce qu'effectivement, il y a du terme. Oui, mais il peut se lire dans le désordre, c'est-à-dire qu'on peut lire les chapitres qu'on veut dans le désordre, et donc ça rend la gestion beaucoup moins indigeste. Donc plusieurs thèmes. Et le troisième axe, juste je termine avec ça, bien sûr. C'est que donc, ça s'appelle Penser à rebrousse-poil, puisque ou considération qui fâche la France du politiquement correct. Ah, ça résume bien, donc, ça. C'est un livre dont la troisième ligne directrice est d'attaquer le terrorisme intellectuel ou la pensée unique ou le terrorisme intellectuel, ce qu'on appelle le politiquement correct, et qui fait qu'on ne peut pas débattre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, on défend Sarkozy parce qu'on estime que c'est celui qui est le mieux à même d'apporter à la France les réformes dont elle a besoin, eh ben on est traité de fasciste, on est traité de... Ah non, ça, il ne faut pas. Et justement, tu le sais bien, ici, Radio Contrabanda, c'est Radio Libre. Ça vous, ça, c'est, et puis on parle de tout. À votre actif, ça vous honore. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on va s'écouter vite fait une petite chanson. Bah, justement, tiens, t'as bossé pour Zebda. Alors, avant qu'on passe une petite chanson, bien sûr, du Sud, par rapport justement à des thèmes qu'on a soulevés. Ton bouquin, dis-nous Pascal, alors, où c'est qu'on peut le choper? Alors, concrètement, il est publié à compte d'auteur, donc c'est de la promotion à l'huile de coude, donc on ne le trouve pas partout, mais en Barcelone, on peut le trouver à la librairie Baibars, rue Montaner, on peut le trouver à la librairie Jaime, qui est sur le Paseo de Gracia, en remontant le Paseo de Gracia sur la droite. On peut le trouver aussi à la centrale de la Calle Mallorca. Et puis ensuite, il est en vente à Toulouse, dans quatre librairies de Toulouse, dont la FNAC, et donc Castella et Priva. Et il est en vente à la FNAC Forum à Paris. Et il est en vente sur mon site internet. Ah oui, j'ai vu, effectivement, on peut donc, l'acheter en transfert sécurisé et le recevoir chez soi. Exactement, penserrebroussepoil.com. Bon, bah écoute, c'est parfait, toutes ces infos. On est toujours avec Los Gabachos, il y a Marcel et son orchestre qui déboule. On va s'écouter un petit zebda des familles. En principe, on va pouvoir trouver ça. Chef, ah non, bon bah écoute, qu'est-ce qu'on... Ah si, c'est effectivement, c'est bel et bien ça, c'est une compile anti-FN justement, voilà, entre autres, et puis allez, on va se garder encore un bon petit quart d'heure avec toi Pascal, on va soulever encore d'autres choses, et puis après c'est le why, hein, c'est le live, ça a déjà commencé, t'inquiète, hein. Allez, Los Gabachos, en vrai. tout semble si apaisé dans ma ville. Si je suis fou, que cache cet asile? Ces africaines aux cheveux lisses qui malgré tout l'avaient faite métisse. Tous ces sourires qui coulent à flot et tant de bourses à boire des chocolats chauds. Tous ces enfants à qui il manque rien et les terrasses qui ont fait le plein. Je suis fracas quand la foule est tranquille et toi tu sembles si apaisé ma ville. N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent, ils ont pris quatre villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes, ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent. Il manque que le sable et le soleil couchant. Il manque que la mer, y a déjà les marchands. Y a même un peu de vent qui fouette et des pigeons qui font semblant d'être des mouettes. Des jambes nues et des cuisses croisées, comme un certain l'a écrit la nausée. Tous ces goûters à vous dégoûter du bonheur, à pas aimer qu'il soit bientôt 4 heures. Je suis fracas quand la foule est tranquille et toi tu sembles si apaisé ma ville. N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent, ils ont pris 4 villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent. Semble si apaisé dans ma ville, mais j'y crois pas, tout ça c'est trop facile. Toutes les villes se prennent avec des mots, il y a toujours une moitié pour dire bravo. C'est pas la guerre, c'est dépassé, on me dit c'est qu'un mauvais moment à passer. En tout cas si je lâche mon lasso, ils seront à la porte de mon ghetto. Comme à Toulon, Orange ou Marignane, mais je m'en fous ici, on aime la castagne. N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent, ils ont pris quatre villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent, n'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent. Ils ont pris quatre villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent, même s'ils n'ont pas d'armes ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent. N'attends pas qu'ils reviennent. N'attends pas qu'ils reviennent. N'attends pas qu'ils nous tiennent. Ambre, ambre, contrabanda, contrabanda, tio, on est toujours en direct live, Plaza Real, avec une putain de vue, ma foi, voilà, contrabanda FM, on peut nous écouter sur internet, comme d'hab, voilà, sur contrabanda.org, et puis une petite rediffusion, Pascal, on pourra t'écouter vendredi, et puis ça y est, on met toutes nos émissions en podcast sur archive.org, voilà, si vous avez loupé les émissions, vous voulez les télécharger, pépère, écoutez ça comme vous voulez dans votre iPod, et puis Constance qui va nous rappeler... Poil de Pascal Comas. On t'entendait pas. Refais. Je la refais. Un, deux. Pascal Comas, donc notre écrivain. Le titre, c'est Penser à rebrousse-poil aux éditions Pamphlet, si je me trompe. C'est un pamphlet et c'est aux éditions. Pardon, voilà. Voilà. C'est un pamphlet. Je cherchais les éditions, en fait. J'ai feuilleté à la recherche d'éditions. C'est à compte d'auteur. D'accord, donc, c'est à toi. Voilà. Ok, bah, c'est super bien. Et donc, puis, pamphlet, c'est le caractère. Et puis, bien sûr, voilà, s'il y en a qui veulent débattre ou appeler, hein, on a un numéro de téléphone. Le téléphone qui est le 933-1773-66. Voilà. Et notre adresse Messenger qui est hyper importante. La régie. C'est losgabachosradio@hotmail.com. Voilà. Losgabachosradio@hotmail.com. hotmail.com. Hyper important, mettez-vous nous tous sur la liste et appelez-nous, mailez-nous. On vous attend, on veut avoir des réactions en direct. Los Gabachos, exactement. Radio, @hotmail, contrabanda.com. Et puis l'adresse officielle Gabachos, banda, tout attaché, hotmail.com pour nous envoyer vos infos à vous, pour qu'on en parle, vous avez un coup de gueule, vous voulez passer une zig, quoi que ce soit. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, alors, on revient, Pascal, parce qu'aujourd'hui, il y a eu Sarko, on parle de Sarko aussi, bien sûr, qui a été voir la tombe du général de Gaulle. Oui, je donc pas. C'est assez symbolique, ouais. Ma foi, ça va vite, hein, y avait déjà sa photo et tout partout, là on le voit devant la tombe, bref, à Colombelles les deux églises, voilà, Haute-Marne, sans oublier que Sarko et Ségos se sont fait tous les deux huer au congrès annuel de l'Union des organisations islamiques de France, le 14 avril dernier, le 14 avril dernier au Bourget, voilà, les gens sont pas contents, faut faire le tri, hein, bien sûr. Bon, Oui, là, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Non, c'est clair. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on apprend d'autre ? Voilà, Si. Ah, ça, c'est marrant. Est-ce que tu savais que le slogan, de Sarko, tout simplement. Écoute, il était déjà sorti. Ensemble, tout devient possible. Faut savoir que y a une banque marocaine, Société Générale Marocaine des Banques, qui déjà avait ce slogan, il y a longtemps. Hein. Et donc, les cadres de la banque s'en sont aperçus. Et puis ça, pareil, le slogan de Sarko, on peut le retrouver sur tous les documents de l'établissement bancaire, y compris sur les tickets de retrait. Oh, putain, c'est quand même énorme. Hein. Bref, ils s'en étaient pas aperçus, ça, Pascal. Bon, je crois pas que ce soit une expression qui soit sujette au brevet. Non. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, justement, ce dont la France a besoin, c'est qu'on se mette ensemble et pas les uns contre les autres. Donc, et justement, la liberté de pouvoir, pourquoi pas prendre un slogan qui a déjà été cité, mais pas déposé. Forcément, hein, ça aurait été déposé. Ouais. Monsieur Nicolas n'aurait pas pu en parler, bien sûr. Et puis également, qu'est-ce qu'on apprend Il y a Sarko qui a parlé au vert aussi, entre autres. Voilà. Et donc, il voulait pas aller en banlieue, hein, dernièrement. Il a dit publiquement, vaut mieux pas y aller, vaut mieux que ça se passe bien de pas y aller que de y aller et que ça se passe mal. Oui, il a raison. Et puis, il est allé à Meaux, il est allé, je sais plus où, dans une autre banlieue. Et puis, Le Pen qui a quand même été marché où il y a eu la fameuse polémique du Karcher. C'était où ? À Argenteuil, c'est bien ça. Hein. C'était à Argenteuil, oui, sur la dalle d'Argenteuil, je crois, oui. Exactement. Donc, Sarko, Ségo, Bérou, tout ça. Bérou qui veut supprimer l'ENA, tiens. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Parce que l'ENA, apparemment, il y en a beaucoup qui disent que c'est un institut de mafioso à col blanc, de futurs affairistes politico qui s'en foutront plein les fouilles. Mais l'ENA, c'est surtout le problème. C'est le creuset de formation quasi exclusif de nos administrateurs. Et dirigeants de grands fonctionnaires, même grands patrons. Pas nos grands patrons. Enfin, si, il y en a beaucoup qui sortent de là. Si, quand ils sont parachutés dans les entreprises, effectivement. Ah ouais, voilà. Très bon mot, parachutage. Mais justement, c'est ce qui est encore plus grave, puisqu'on parachute dans nos entreprises privées des gens qui n'ont une formation qui n'a aucun rapport avec le monde de l'entreprise. Quant à la proposition de Bayrou, elle est complètement démagogue, puisqu'il veut supprimer l'ENA pour refaire une école d'administration publique, c'est-à-dire il va refaire une ENA qui n'aura pas le nom de l'ENA. Voilà, en clair. Donc ça, c'est marrant. Voilà un paquet d'infos qui nous arrive. Donc, ton bouquin, concrètement, il fait du bruit un petit peu, tu as eu des échos, à Paris, on en parle. Écoute, là, on va... Enfin bon, du bruit, ça, c'est loin d'être un succès phénoménal, hein, puisque, comme je l'ai dit, c'est à l'huile de coude, mais par contre, il a un bon accueil auprès de tous les gens, même de tout milieu, hein, toute tendance politique qui le parcourt ou qui le lise. J'ai eu des bons échos de certains écrivains comme Pascal Bruckner, comme Jean Sévilla, comme Pascal Salin, qui est professeur à Paris Dauphine et qui est un grand économiste français. Uh-huh. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Et puis là, donc on continue la promotion. Là, je vais faire une grosse promotion auprès de la presse, là maintenant, là, tout de suite, là, juste avant le premier tour. Ça tombe bien, hein, Pascal, ce soir en direct, ça pouvait pas mieux tomber, hein, forcément, on est à 6 jours des élections, on tenait à ta présence, on revient au côté musical, à la culture, tout ça, dis-moi Pascal, Pascal, concrètement, on a parlé Le Pen, donc la culture, tout ça, rien à foutre. Qu'est-ce qu'il a même dit que le réchauffement climatique, c'est que des conneries, que la que la couche d'ozone est en train de s'en former, qu'on nous manipule avec des infos. Bon, bref. Entre autres, Sarko a reçu des humoristes, des gens de la culture. Entre autres, hein, il a reçu Bigard, il a reçu Carl Zero. Ça fait du bruit. Apparemment, il a sorti un pétard, il a fumé un spliff. Et puis Carl Zero, apparemment dans un petit dîner tranquillou avec Nicolas, ça fait du bruit. Bon, bref, on s'en fout, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, pourquoi pas jusque là-bas. Ta vision, justement, très intéressant. T'as fait une espèce d'étude aussi. T'as un blog, hein, on peut retrouver des passages de ton livre. Tu parles aussi de la dépendance des Français qu'on saurait le. Enfin, on le sait, puisqu'il on est le pays où ça se vend le plus de Prozac. Apparemment, pareil, en antidépresseur, ça fume beaucoup en France. T'as une vision là-dessus? Pour qui? Pourquoi? Non, enfin, moi, je parle de la légalisation du cannabis. Et je consacre un chapitre à la question. D'accord. Un sous-chapitre à la question. Et je dis que bon, il faut sortir de l'hypocrisie dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire parce que nos politiciens, ils sont bien chargés aussi, hein, quand on voit le rythme qu'ils ont. Oui, ça, t'inquiète pas. Je me suis toujours posé des questions sur les drogues chères et rares qu'on leur dispense pour tenir le choc. Mais c'est intéressant, petite parenthèse. Donc dis-nous alors ton petit chapitre. Pour revenir au cannabis, bon, en gros, je milite pour la légalisation du cannabis. Pas parce que ce serait bien que tous les jeunes se mettent à fumer, mais simplement parce qu'en la situation actuelle, on fait beaucoup plus de mal aux jeunes que de bien. C'est-à-dire qu'on les prive d'une information fiable sur le produit. On fait que, comme c'est un marché qui est irrégulier, il se prête à tous les abus, c'est-à-dire que les produits sont coupés avec des saloperies qui Alors, font encore plus de mal que la drogue. Justement, l'État, ils font quoi par rapport à la santé publique? Parce que des fois, c'est hallucinant. Je veux dire, il y a des choses qui tournent. Ils tiennent pas leur rôle, l'État. Logiquement, ils sont là pour nous protéger, nous prévenir. Bon, il y a quand même la prévention, tout ça. Mais sur le cannabis, oui, c'est comme sur d'autres sujets d'ordre moral, où effectivement l'information n'est pas, comment dire, elle est pas vraiment, elle apparaît pas vraiment sous son vrai jour. C'est ridicule. Enfin, il y a quand même des gens qui ont abordé le problème. Etc. Bon, on sait très bien qu'en plus l'économie du cannabis fait qu'il y a une économie souterraine dans les banlieues, ouais, qui est quelquefois, pas toujours, quelquefois ça sert juste à des gens à vivre un peu mieux, mais qui alimente aussi des trafics plus graves, hein, et puis des trafics d'armes, et puis ça alimente aussi les réseaux terroristes. Donc toi, tu préférerais qu'il y ait moins de répression à ce sujet-là et que ce soit banalisé, parce qu'il y a une certaine tension en France par rapport à justement l'économie souterraine. Sarko qui a mis en vente libre du cannabis de qualité et avec une information de qualité sur les risques que prennent les jeunes en fumant ça tous les jours ou de temps en temps. C'est-à-dire, c'est pas va des rétro cannabis, parce qu'il faut pas diaboliser le produit, mais c'est un produit qui est pas inoffensif. Il y a beaucoup de gens qui en ont fait les frais et l'expérience. Et en général, on est à même de le dire quand on a fumé pendant longtemps et qu'on a déjà payé l'ardoise et que c'est trop tard. Parce que quand on est jeune, on encaisse de se pinter à l'alcool et de se prendre des cuites, on encaisse de fumer des joints et trois joints tous les jours. L'addition, on la paye plus tard. Donc moi, je milite pour une information de qualité et qu'on fasse que le trafic soit plus transparent. D'accord. Bon, à voir, hein, puisque sujet tabou, très controversé. On va clôturer, ma foi, notre séquence sélection, hein, parce que là, ça y est, c'est le why, hein, c'est le live, il y a les Marcel. Juste un petit truc, toi, t'en penses quoi, effectivement? Il y en a qui balancent en France en disant on va déjà donner les informations au second tour, des rumeurs dans les médias, qui est en tête, ceci, cela. Alors, on apprend qu'en 2002, il n'y avait que les guignols de l'info sur Canal qui avaient osé annoncer la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, un quart d'heure avant l'heure légale. On apprend également qu'en 1995, ouais, c'est France 3 qui avait une demi-heure avant balancé l'info de la victoire de Chirac. En 1997, bien avant 20h, les sondages à la sortie des urnes, voilà, il y a eu des infos là-dessus aussi. Enfin bon, après, ça n'honore pas les guignols de l'info. Non, bien sûr que non. Balancer puisqu'ils n'ont pas respecté la loi. Non, ils n'ont pas respecté la loi. Parce qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui a eu des problèmes. En 99, la direction de Paris Match, le PDG a sauté, voilà, par rapport à elle était condamnée à la violation de l'article 11 de la loi du 19 juillet 77. Bref, les dates, on s'en fout. Donc tout ça pour dire, voilà, les gens s'emballent déjà avant l'heure. Enfin, c'est de la folie actuellement, Pascal, en France. Hein. Oui, enfin, pour parler de rumeurs, moi, j'ai entendu des rumeurs dont j'espère que ça restera des rumeurs et qui parlent donc d'un pourcentage de vote pour le Front National beaucoup plus important que ce que disent les sondages. Oui, sans doute. Mais ça, les sondages, on le sait très bien. Et justement, alors forcément, on attend le jour fatidique hein, parce que là, au moins, on aura les choses claires en espérant, bien sûr, Pascal. Bah, écoute, merci d'être venu. Merci à vous. Bah, on fera peut-être le bilan après les élections, pourquoi pas ? Oui, avec plaisir. Hein, bien avec sûr, plaisir. Les micros sont grands ouverts. On est à Contrabanda. On va s'écouter une reprise, juste avant les Marseillais, une reprise de Eiffel. Voilà, Eiffel, un groupe de Paris qui reprend justement Léo Ferré, hein, un bon petit anarcho de la bonne vieille époque. Et puis on va enchaîner sur le nouveau CD des Marseillais sur le réchauffement climatique, une chanson exclusive, voilà, en partenariat avec Greenpeace. Et puis on va retrouver le groupe bien sûr tout de suite. Premier ministre britannique ou bien papou ou bien d'ailleurs pouvait être déclaré incompétent. Comme je vous disais, qu'un ministre de l'intérieur d'une république lointaine ou plus présente pouvait être une canaille. Comme si je vous disais que les cadences chez Renault sont exténuantes. Comme si je vous disais que les cadences exténuent les ouvriers, jamais les présidents. Comme si je vous disais que l'humiliation devrait pourtant s'arrêter devant ces femmes des industries chimiques, avec leurs doigts bouffés aux acides et leurs poumons en crade. Comme si je vous disais qu'à Tourcoing et plus généralement dans le textile en ce moment, ça licencie facile. Comme si je vous disais qu'il pourrait peut-être exister un prisonnier politique qu'on aurait jugé pour la forme. Comme si je vous disais que je pourrais suivre dans la rue ce procureur qui regarde avec l'eau dans la bouche le ventre d'une enfant mineure. Comme si je vous disais que ce procureur pourrait être celui qui aurait pu requérir contre ce prisonnier politique qu'on aurait jugé pour la forme. Comme si je vous disais qu'un intellectuel peut descendre dans la rue et vendre le journal. Comme si je vous disais que ce journal est un journal qu'on aurait pu interdire. Comme si je vous disais que le pays qui s'en prend la liberté de la presse est un pays au bord du gouffre. Comme si je vous disais que ce journal qui aurait pu être interdit par ce pays au bord du gouffre pourrait peut-être s'appeler la cause des peuples. Comme si je vous disais que le gouvernement intéressé qui s'en prend à ce genre de presse et d'opposition pourrait sans doute s'imaginer qu'il n'y a ni cause ni peuple. Comme si je vous disais que dans le cas bien improbable où on interdirait le journal la cause des peuples, il faudrait l'acheter et le lire. Comme si je vous disais qu'il faudrait alors en parler à vos amis. Comme si je vous disais que les amis de vos amis peuvent faire des millions d'amis. Comme si je vous disais d'aller tous ensemble faire la révolution. Comme si je vous disais que la révolution c'est peut-être une variété de la politique. Et je ne vous dis rien qui ne puisse être dit de variété. Moi qui ne suis qu'un artiste de variété. Bref, comme d'habitude, allez, on va dire Plaza Real, hein, la Rambla, tout ça, le centre-ville, le Gotico, Barcelona, hombre, avec les Marcel qui viennent de nous rejoindre, bah ouais, ils sont là, hein, mais bon, wouh, on va gueuler, bon, bah elle est... Et ils sont où? Les ch'tis sont là. Alors là, ça promet les gaziers. On... Avant de les écouter en live avec la guitare, la trompette et toute la clique et les furieux, on va s'écouter leur chanson exclusive, hein, en collaboration avec Greenpeace, ma foi, sur le réchauffement climatique. Après, on fait la rubrique concert, forcément, hein, les Marcel en tournée dans le quartier. Et puis bon, on va les écouter, hein, toute la clique. Hein, on va le faire. Et c'est parti, banger. Qui a mis le feu chez les Pingouins? Je suis scandalisé, nous dit le chef d'État au dernier sommet. Sur ce sujet, mes déclarations ont fait sensation. Si on veut déposer un projet de loi, soyons prudents, c'est un sujet brûlant. Faut pas non plus faire peur aux investisseurs. Le réchauffement doit pas empêcher la croissance. Qui a fait déborder les océans? Ne montrez pas du doigt ce plan industriel. Je me plie déjà aux réglementations. Beaucoup de pays sont moins tatillons. Réduire les gaz à effet de serre. Toi, si c'est pas moi, on fait pas de planète sans casser de CO2. Si personne n'est responsable, pas de planète sans casser de CO2. Qui s'occupe de ce paquet encombrant? On fait pas de planète sans casser de CO2. Qui fait la danse des pluies torrentielles? J'aimerais en parler, nous dit le journaliste. Mais comment critiquer ce qui nous fait croûter? N'oubliez pas que la télé vit de la publicité. Vous êtes gonflé du lavage à lait. J'avoue, je fais des proutes. Oui, je fais des proutes. Dois-je vous rappeler qui m'a domestiqué? Élevé, enfermé dans des boxes en béton. On m'assémine, on me gave de farine. Pas de planète sans casser de CO2. Si c'est pas toi, si c'est pas moi, on fait pas de planète sans casser de CO2. Si personne n'est responsable, pas de planète sans casser de CO2. Qui s'occupe de ce paquet encombrant? On fait pas de planète sans casser de CO2. Scientifique. Mon boulot c'est de chercher, pas de contrôler. Comment mes travaux seront utilisés? Qui a fait un trou dans l'ozone? Je suis pas décideur, appelle citoyen. Vous nous invitez à consommer différemment. Mais faudrait encore en avoir les moyens. J'ai pas fait des économies. Un crédit pour ma nouvelle voiture. Et la laisser au garage. Pour m'entasser dans les transports en commun. On nous fait préférer les produits emballés. Hygiéniques, esthétiques, carrément épatants. Paradoxalement, nous devenons coupables. Irresponsables par nos choix polluants. Pas de planète sans casser de CO2. Si c'est pas toi, si c'est pas moi, on fait pas de planète sans casser de CO2. Si personne n'est responsable, pas de planète sans casser de CO2. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? On fait pas de planète sans casser de CO2. Les grands, ils font n'importe quoi. Oh yeah, hombre, contrabanda, tio. Eh, en directo de la Plaza Real, on l'a dit et redit, et les Marcel sont là. Ils sont venus avec tout leur bordel, leur flûte, je sais même pas, mais là, il y a la trompette. Avec le guitare, ça, et tout. Entre autres, et ça va partir en live, comme d'habitude, moi j'espère, parce que ça l'était déjà hier dans le quartier. Hein, vous pouvez confirmer ça, les gars. Moi, je me rappelle de rien. Il y en a qui ont mal à la tête. Je me souviens pas hier soir. Moi, je suis très sérieux. Ah ouais? Bon, bah voilà, parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas au courant. Il avait un mot du médecin. Ah bon? Il avait un mot du médecin, mais t'as raison. Parce que, ouais, il y a eu chaud acoustique dans le quartier. Ma foi, Plaza del Tripi, tout ça. Caya Vignon, Obaya, entre autres. Et puis, Osinkopa juste après. Et puis, bah, ça a continué. Hein. Bon, il y en a qui ont chanté comme ils ont pu. Et puis ce soir encore, hein, on le fait. On va encore essayer comme ça. Personne n'est visé. Ouais, personne n'est visé, bien sûr. Bon, les gaziers, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des concerts et puis après on va parler. Les Marcel ont fait des petits. Moi j'ai réussi à retrouver des scuds de par chez vous, des groupes que vous connaissez sans doute. Revolver Maui, Gérard et les Stars et Gotham City. Ça vous dit quelque chose tout ça? Revolver Maui, ouais. Gotham City, Gérard et les Stars, ça me dit rien du tout. Ah, pas du tout. Bon, c'est déjà un peu ce qu'est un peu plus rude boy, hein, Gérard et les Stars. Mais c'est, ça reste le Nord. On a reçu des scuds. Vous vous rendez compte, il y a quand même. Il y a des gens qui pensent à vous. Ouais, jusque là-bas. Bon, les gars, alors concrètement, vous, c'est mardi, hein, c'est demain le grand show, le grand soir. Ouais, on se prépare là, ça y est. Psychologiquement, ouais, déjà. C'est J-moins quelque chose maintenant. Arrête, t'es con, nous mets pas la pression comme ça. Ouais, enfin, en attendant, vous êtes attendu quand même sérieusement de plein fouet sur scène. Et les gens, forcément, hier, s'attendent pas à un gros show demain soir, bien électrique, bien bourrin, parce que comme on va pouvoir l'écouter maintenant en direct, bien sûr, ça reste plutôt chaud à la cool, plutôt. Allez, on est capable de faire de la musique classique. Ouais. Ah. C'est vrai qu'acoustique, on fait plutôt Simon et Garfunkel, quoi. Tu vois, c'est vrai que électrique, on fait plutôt. Les Cure. Bon Jovi sous Exta. Ouais, voilà. Bon Jovi sous Exta, ou je sais pas. Alors, il y en a qui disent c'est entre Metallica et Bourvil. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Metallica pour la tendresse et Bourvil pour la radicalité. Quoi. Bon, ouais. on est d'accord. Bon, on va revenir là-dessus. On va écouter Lamis. Lamis, où c'est qu'elle est? La Carabarna Prod et compagnie Promotion. Delphine qui va venir nous annoncer demain, hein, concrètement, oui. Qu'est-ce qui se passe avec quel groupe, où, quand, à quelle heure, bordel et tout ça. Donc ce soir, qu'est-ce qu'il y a par exemple? Il y a la Jamboree juste à côté. Il y a toujours Jam Session, ma foi. Voilà. Et puis il y a du hip-hop dancehall au Pressing Underground Club, Calle Valencia. Voilà, avec de la musique africaine ce soir, entre autres. Et puis demain, bon allez, il y a d'autres groupes qui jouent. Mais bon, on va, ouais, hein, c'est radio libre. On va quand même dire qu'est-ce qui se passe, à part les Marcel. Il y a Eva Tukiros à Calle au Cashba. Et puis, Tu peux le répéter? Ouais, ça reste de la musique, on va dire, la cahier, un peu comme vous. Ah, hein, du Funky Lingus. Ah, du Funky Lingus, on est d'accord. Donc, des potes du quartier, les Batoukeros qui jouent, et les Marcel qui vont faire quoi? Tout déchirer. Exactement, tout déchirer, on est d'accord. Voilà. Alors, on a Delphine de la Carabarna qui va nous donner les informations pertinentes. Ouais, il y a Black Gandhi aussi ce soir au Casbah. Ils vont attaquer. Bon, t'as une voix très sensuelle. Bon, bah, ouais, ça c'est une très bonne info, hein, parce que forcément ici dans l'assemblée, tout le monde peut amener, je sais pas, ça son petit concert, le bal populaire où va danser sa grand-mère, tout ça, enfin tout ce que vous voulez, les gars, il y a pas de problème. Hein. Donc voilà, Marcel, donc demain de 9h à minuit, Marcel et son orchestre avec la Always Drinking Marching Band. C'est Passacaillé, la fanfare un peu mythique du quartier. Mythique parce qu'apparemment ils se bougent pas mal, ils allaient dans pas mal de manifestations. On a pu les voir, les Always Drinking Marching Band. La manifestation du Molino. Exactement. Pour, per la cultura. Et la Macabra aussi pour manifester la fermeture du squat des artistes de rue. 3 jours de folie devant la mairie. Truc de ouf. Et très connu donc, ce demain, groupe. Demain, ils seront au grand complet. Ils viendront à 16. Ouais, à 16. Alors, moi, justement, je me disais, on a invité Pascal Coma, qui est toujours là, bien sûr. On a parlé politique ce soir. Il a sorti un bouquin sur sa vision de la France. Qu'est-ce qui marche pas, ceci, cela, tout ça. Donc, il est venu tout seul. Moi, je me dis, tiens, les Marcel, ils sont 14. Bon, déjà, ça va être le bordel. Alors, si en plus, il avait fallu inviter, ils sont combien sur scène, les Always Drinking Marching Band? 16. Bon, un sacré merdier. Très connu pour avoir une reprise, ma foi, de Killing the Name. Killing the Name, qui est quel groupe, les gars, s'ils sont mélomanes? Rage Against the Machine. Alors, attention, ça va donner. Hein. Ils sont déguisés comme vous. Ils sont déguisés en super-héros aussi. Ah non, tiens, si tu peux parler devant le micro. Dans le micro, quoi. Bon, alors, c'est des super-héros comme vous. Alors, dis-nous concrètement, il y a aussi un spectacle avec. Avec des Norvégiens, Norvégiens, franco-norvégiens, banjo, guitare, scie musicale, et tout ça théâtralisé, c'est des reprises de Piaf. Ouais, ils font des reprises bien antiques, traditionnelles, voilà, à la française. Voilà, je crois qu'il y aura, pareil, il y aura un paquet de gens qui vont être surpris. Une qualité de programmation musicale demain. Toujours. Donc ouverture des portes à quelle heure là? Parce qu'il y en a, ils vont péter les plombs. Pointez-vous à 3h de l'après-midi et vous pouvez espérer arriver à 10h au concert. 9h minuit le concert, il faut arriver tôt parce que c'est jamais agréable de faire débuter les groupes quand il n'y a personne dans la salle. Ouais, et puis en plus, voilà. Là, il y a des préventes cette fois-ci hein, au Syncopa, au Baïa, à Hotshot. Parce que, à ce qu'il paraît, on nous a dit, les Marcel, il y aura une queue énorme devant l'entrée. Bon, alors, bon, écoute, on va voir. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Il y a nos copines qui sont débarquées. Ah, il y a les copines en plus, les groupies, tout ça. Hein, c'est ça, les fanatiques, bien sûr. Il y a des fanatiques, Marcel, hein, parce que c'est un peu une mode. Il y en a qui se déguisent, tout ça, vos concerts. D'ailleurs, ça sera l'occasion, hein, Delphine, avec une petite une petite réduc de 2 euros pour ceux qui viennent à l'arrache où il y en a certains, ils sont déguisés tout le temps. C'est pour ça que tu fais l'émission déguisée. Ouais. Mais tu l'auras ta réduc, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Oui. On verra. Bon, hey, on était au sujet des concerts. Alors, on va essayer de revenir à ça. Alors, il y a la Familia Rustica mercredi, le lendemain. D'autres bonnes surprises, Marcel. Entre autres, donc, la Familia Rustica, c'est à la discothèque à L'Infance gratos, c'est dans le Raval. Voilà. Il y a la Republica mercredi aussi. Ah ouais, mais bon, ça, attention, chut, on ne dit rien, on ne dit rien, hein, même si c'est en exclusivité ce soir, les Marcel sur Radio Contramanda. Il y a des ragots. Et jeudi soirée au Baïa, à Sans. Ah ouais. Avec Nour et d'autres groupes. Ah bah très important, tiens, on va revenir là-dessus, ouais. On va revenir à jeudi. Donc, on bah oui, bah bien sûr, alors il y a Nour, il y a qui là-bas. Donc, c'est à Sans, au Baïa. Je ne sais plus qui, ouais. Donc, c'est un centre. Espaya Liberat, centre, voilà. Maintenant, il s'appelle, je sais pas, ils ont changé de nom. Mais voilà, soirée, 3 euros, 3 concerts. Bon, voilà, où certaines personnes ont pu voir un groupe de Nouvelle-Calédonie, non, de La Réunion, Zong, qui ont joué là-bas. Ouais. Voilà. Jeudi, alors, grosse soirée dans le quartier Foufouaille au Baïa, où vous avez joué hier soir, les gars, hein, Foufouaille, qu'on connaît bien. Groupe mythique du quartier. On a Urubu qui joue au sidecar. Alors, les gens peuvent enchaîner les uns les autres, 22h30. Voilà, il y a Papawa au KGB et la Pegatina aussi qui font leur tournée. Ils viennent sortir un album, pareil, Discoteca des Enfants, comme la Familia Rustica la veille. Vendredi, alors là, oulala, alors grosse soirée, hein, on pourra voir au bar électrique dans le à Gracia de la musique brésilienne, ma foi. Et puis, grosse soirée hardcore qui a lieu à la salle Bicoule également. On a Bashman Attitude, voilà, donc là, il y a 5. Il y a 5 formations françaises qui viennent faire du reggae, du raga. Et ouais, donc ça a lieu à la Salle Azac, avenue Diagonale. Voilà, il n'y a pas que les Marcel hein, qui viennent à Barça. Ça se développe de plus en plus. La Gabacho Attitude. Ah putain, bref. J'allais au Real, Fiesta, la Sagrada Familia, Latino d'Espitalet, qui joue également à Casal de la Prosperitat. On a Politique Calamity qui joue à Nubari. C'est de la balle, ça c'est sympa. La chanteuse qui chante en français également. Pirate Sound System, Acidjess, connu pour son carnaval, hein, les gars. Hein, ouais. Le côté carnaval, tout ça, Dunkerque, les Marcel déguisés. On le sait bien, on vous présente plus par rapport à ça. C'est clair. Samedi 21, Zulu 9-3 à Leida, ça reste en Catalogne. Alors, il y a le Canteca des Macaco à la Salamandra. On a un hommage à la rumba catalana. Hombre, attention, hein, c'est ici, les gars. Il y a flamenco, il y a rumba catalana ici. Le côté guitare, c'est la rumba catalana, bel et bien, de Barcelone. Voilà, avec 3 groupes, Gertrudis, Los Manolos, ça pète, ça, côté Manolo, hein, quand même, Manolo. Et Aresos, Aceros Inoxidable, donc tout ça, c'est de la rumba, entre autres. Et puis dimanche, il faudra se reposer, quoi, parce que, hein, ouais. Voilà, il se passe plein de choses, à Barcelone. Hein. Ça devient difficile. Et les Marcel, surtout. Ouais. Alors, les Marcel, qui, alors là, aujourd'hui, un peu, bon... tournée promo quand même, vous avez été voir nos collègues de Fuck the Bastard, c'est bien ça, ouais. Fuck the Bastard, ça s'est passé comment? Vous étiez à Radio Bronca qui fête leur anniversaire, ils l'ont fêté, leurs 20 ans, ouais. Voilà, entre autres, et donc ça s'est passé comment? Bien cool, bon accueil aussi, Radio Libre, hein, les micros sont ouverts comme là-bas, Radio Bronca. Ah ouais, okay. Eux ils donnent des disques, tout ça, pour qu'on... Ouais, ils donnent des disques, c'est l'inverse, ouais. C'est énorme. On est arrivé, il y avait des plateaux de tapas partout. Enfin, ils savent vivre, quoi. Vraiment, les trucs. C'est bien, t'inquiète, quoi. Ici, dans les studios, on donne rien. Comme d'hab. Et vous êtes arrivé trop tard parce qu'on avait de la bière, mais bon, avec Pascal, on a tout vu. On a vu ça. Bon, alors, non, concrètement, les gars, c'est une première. C'est une première pour vous. Jamais venu à Barcelone. Certains sont pas venus ici. Moi, je suis venu en vacances à Andorre une fois. Ah, tiens, c'est bien, Tibal. Ouais, son père a acheté du Ricard. Ah, ouais. C'est vrai en plus. C'était lui. Voilà. Donc voilà. T'étais pas loin, hein. T'y étais presque. Voilà. Presque. Moi je venais très bien vers Varsovie. Voilà. Ah, et c'est vrai. T'avais c'est dû acheter un chapeau mexicain, hein. Et poser dans la Simcansan, non? J'avais un petit tan avec des petites barriques C'est ça, voilà, c'est ça. Ah putain, il y a de ces souvenirs, c'est incroyable. Bon, les gars, toi, t'es un et nous, on a l'espagnol dans le groupe aussi, attention. Oh là là, ça va te châtier. Bon, je ne sais pas, en tout cas, il a sa guitare au loin là-bas. Bon, les gars, le matos, c'est quoi ce bordel là? Il y a un truc qui fait du bruit là. Exact. Un serpent à sonnette. Bon, ça tombe bien. Il nous reste, allez, les gars, on va dire 22 minutes chrono, précisément. Faut faire un morceau de 22 minutes. Voilà. Donc. Allez. Oui, je suis here. Non, parce que les gars, les gens s'impatientent forcément. Ils disent, on les attend, tout ça, et puis ils chantent pas. Non. Bon, alors 1, 2, 3, 4, vous êtes prêts? On y va. Oh, ça c'est de l'enthousiasme, ça promet, les gars. Hein? Bon, j'espère bien en tout cas. Hein. Tu veux qu'on joue un morceau de musique? Bah, ouais, je crois que j'entends une note au loin. La la la la. Mais, Mexico. Alors là, c'est pas compliqué, il suffit que vous fassiez chouap tous ensemble. Chouap. Et par exemple, on peut encore un peu plus fort. Chouap. Joli, une dernière fois. Chouap. Bon, bah, je vais peut-être y aller. Bah, vas-y. Chouap. Chouap. On pouvait me snober, on pouvait ricaner, me juger, chouap. Me traiter de raté tout le temps. Chouap. Tout le temps que j'avais. Chouap. Ton sourire chaque matin. J'ai chopé aujourd'hui une gueule d'épidémie. Chouap. On pouvait ricaner, déblatérer ce qu'on voulait. Chouap. Ça m'était bien égal tout le temps. Chouap. Tout le temps contre nous. Chouap. Ça collait mon petit doux. Le monde pouvait sentir la grotte, était pour moi un antidote. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce Bertrand? Tu disais qu'il était gland, toi qui aimais mon slip de Tarzan. Ah, mes potes et mon survêtement, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce Bertrand? Tu disais qu'il était gland, toi qui aimais mon slip de Tarzan. Mes potes et mon survêtement. Il y a un serpent dans ma botte. Chouap. Chouap. Ils font plus à moi. Chouap. Chouap. Comment t'as pu tomber dans les bras de ce couillon? Chouap. Ignorant, suffisant, méprisant. Chouap. Tout le temps à snober. Chouap. À se la raconter. Qui croit que la polygamie est une île d'Océanie? Tu veux me faire payer une infidélité? Chouap. Tu pouvais pas savoir tout le temps. Chouap. Tout le temps que ce connard. Chouap. Contrôlait son crachoir. Je m'en mords les doigts, c'est bien fait pour moi. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce Bertrand? Tu disais qu'il était gland, toi qui aimais mon slip de Tarzan. Mes potes et mon survêtement, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce Bertrand? Tu disais qu'il était gland, toi qui aimais mon slip de Tarzan. Mes potes et mon survêtement, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce Bertrand? Tu disais qu'il était gland, toi qui aimais mon slip de Tarzan. Mes potes et mon survêtement, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Hungawa Jumbo! Tout ça, on va te garder en archive. T'inquiète. Bon, les gaziers, on a parlé politique tout à l'heure. On peut le faire aussi, nous. Bah voilà, ça tombe bien. Nous, on se casse. Parce qu'on on a eu des infos. Il restait un quart d'heure. T'as eu des. Il va. t'as appris qu'il y avait bientôt un truc en France, c'est ça? Bah ouais, moitié. Tu parlais chou up, on n'est pas encore dans les choux ici à Barcelone. On est au courant de ce qui se passe un petit peu parce que c'est arrivé jusque nous. Les Marcel en première partie de Marie-Georges Buffet. Ouais. Alors c'est qui ça? C'est. On a dit que parce que on a appris par exemple Marie-Georges, que la guitariste des Cramps. Ouais, voilà. Ah. C'est sûr que bon, elle a pas fini à poil. On pensait qu'on était très déçus. Ah putain, c'est con. Ouais, franchement. Et alors, on a voulu soutenir Marie-Georges Buffet parce qu'il paraît que si elle passe pas, ils vont supprimer la Star Academy. Ah ouais? Ouais. Donc on a un peu les boules quoi. Donc il fallait qu'on soit tout cœur derrière elle. Bon, bah ça voilà. Me paraît clair tout cette histoire. Voilà. Non, puis bon, alors sérieusement, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce qu'on la trouve chouette. On l'aime Voilà, on l'aime bien, la Marie-Georges. Voilà. non mais c'est surtout que tu vois, je pense que dans nos soi-disant démocraties avancées, quoi, ils essaient de nous précipiter vers une sorte de bipartisme à l'américaine. Nous, on considère que la démocratie doit être plurielle. Et finalement, quatre semaines derrière les présidentielles, va y avoir les législatives. Et quelque part, quant à vous êtes venu souvenir les législatives plus tard, en fait, c'est ça, à l'avance avant les élections. Ouais, parce que les présidentielles vont donner le ton des législatives. Ça, voilà. C'est vrai. Et le ton, c'est bon, le ton blanc, c'est excellent. Et puis on voulait, donc voilà, bien sûr. Voilà. Et je pense que si demain il n'y a plus, aussi mauvais soit-il, mais s'il n'y a plus un groupe parlementaire PC à l'Assemblée nationale, il va rester que les partis de droite, quoi. C'est quand même très dangereux. Enfin, il y a une certaine division. C'est marrant de voir Ouel et Marcel engagés. C'est pas, on le sait, hein, il y a un paquet de chansons qui sont engagées. D'ailleurs, on a pu écouter votre rapport avec Greenpeace. C'est étroitement lié, hein, quelque part, hein, votre chanson. C'est un vieux texte. Hein. Au départ, c'est un texte qui m'avait demandé pour un bouquin qui s'appelle Dessin pour le climat, qui est sorti il y a 3 ans, quoi, sur le réchauffement climatique. J'avais demandé justement à Manu Chao, à Bernard Lavilliers, voilà quoi. Non, pas Jacques Faisan. Puis la quantité de dessinateurs de s'exprimer là-dessus. Puis bon, ce texte est né. Moi, j'ai pris la trame d'un texte de Bob Dylan qui s'appelle Who Killed Davy Moore, parce que je trouve que c'était intéressant comment il réglait un peu l'histoire de la responsabilité. Finalement, le réchauffement climatique, c'est un peu la même chose. Donc tu mets les différents protagonistes et tout le monde dit non, moi je suis parfait, c'est pas moi. D'accord. Voilà. Mais Marie-Georges, vous l'avez connue à la fête de l'Huma. Vous avez fait la fête de l'Huma, je pense. On l'a fait, la fête de l'Huma. Ouais. Très, très, très grande fête. Ouais, ouais. Fête où il y a plus de festivaliers que d'électeurs. PC, hein. C'est possible. Ouais, c'est une fête populaire. C'est, c'est d'abord la fête du journal, ouais, c'est clair. Bon, après, je sais très bien tout ce qu'on peut dire sur le PC, tu vois. Bon, ouais, en même temps, on s'en fout. En même temps, voilà quoi. Voilà. Non, Sarkozy y est pas. Et puis je trouve que, on se sent bien avec ces militants coco. Moi, je pense que. Voilà, il y a tout un passé populaire dans nos familles, etc., des souvenirs. Et je pense qu'on ne fait pas la même politique quand le Parti communiste fait 15% que quand on est sous Sarkozy, quoi, tu vois, voilà, quoi. À voir, on verra ça, hein, en tout cas, d'ici peu. Dans 6 jours, on saura un peu plus clair. Ouais. En attendant, là, après Barcelone, vous allez en territoire un légèrement troublant, un peu facho, quoi. Vous allez à Toulon, vous allez à Nice. Oui, on veut évangéliser ces villes. Ah, bah, écoute, ça tombe bien. Moi, je pense qu'on rencontre des gens sympas partout. J'ai eu une relation sexuelle avec un militaire à Toulon, c'était plus facile. Ah mais oui, je suis passé après toi. C'est pour ça qu'il ressort. Moi je m'étais lavé. Joachim. Oh, c'est dingue. Bon, elle est Marcel, à part ça, l'actualité, il y a un nouvel album qui est sorti. Je sais pas, c'est un jeu de mots. E égale CM2. Ouais. Hein, bon. Bah, UGLCM2, c'était. Oui, voilà, quoi. C'était quand Alain Souchon chante J'ai 10 ans, bah, nous, CM2, c'était un peu la même chose, quoi. Il y avait un côté E=MC5, CM2, enfin voilà. Moi, je pensais que c'était par rapport à l'émission sur M6, Trafiquer les lettres, ou. Non, rien à voir à l'époque. Non, pas spécialement, quoi. UGL... C'était. C'était ça ou Diabolo jus de couille. La boîte de prod était pas d'accord. Ouais, voilà, c'était ça. Diabolo jus de couille. Alors toi, tu sors. Bon, elle est punie. Bon, les gars, le temps passe. On se fait une petite chanson à la bonne franquette. Hein, les ch'tis, bon, on n'a pas ramené de la bonne bière de chez vous, c'est con. Hein. Ça, c'est vrai. On est en train de voir l'exportation, comment on peut. Toi, tu veux faire une chanson? Ah, l'espagnol qui se manifeste. On va t'écouter parler un petit peu là. Hein. Ouais, dis-le quelques mots en espagnol. Dis que t'es très content. Ouais. Et alors on va faire une. Oui. Tiens, puisque tout à l'heure on était à la radio, qu'apparemment c'est une radio anti-commerciale à fond, bah, comme etc. Comme ici. Alors, puisqu'on est dans un. Ouais, ouais, bah. Alors, ben, on va montrer que ça sert plus à rien d'acheter des consoles de jeux aux gamins, etc. Ce qui est, il faut leur faire des frères, des sœurs. Ouais. Et le seul jeu vraiment excitant pour que les enfants grandissent, c'est qu'ils puissent faire chier leurs frères et sœurs, leur écraser des chewing-gums dans les cheveux, des trucs. Voilà. Ça c'est militant. Voilà. C'est Marcel qui s'engage. Voilà. N'achetez plus des jouets à vos enfants, achetez-leur des frères et sœurs. D'accord. Wouh! Vas-y, man! Relâche-moi, c'est bon! Allez, Christophe, intro! Ah! Moi, mon nom, c'est Jean-Pierre. Non, t'as dit que tu t'appelais Christophe. Ma sœur, c'est Marie-Claire. Ah ouais. J'adore faire mon bonheur pour emmerder ma sœur. Sa sœur. Sa sœur. Sa sœur. Sa sœur. Oh, j'adore lui faire peur, la faire hurler de terreur. Ah ah ah. Ah ah ah. Sur la table. Dans son journal intime, j'ai écrit le joli. Ah ah ah ah. Étaler des crottes de nez sur les photos de ton fiancé. Ah ah ah. Tartiner du Nutella, on s'était de ta manière. Ça me rend plus heureux que ma console de jeu. J'adore. Il adore. Vas-y, la couronne les arracher. On va se calmer, on va se calmer un petit peu. Hein. Bon, un truc très important. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y a eu des censures par rapport à Marcel en France. Une certaine chanson, PPMMA. Il y a une association de retraités qui a dit on veut plus cette chanson, ça passe mal. C'est l'inverse. Ah, c'est eux qui veulent qu'on remette PPMMA dans le set. Oui. Ah bon, j'avais compris l'inverse. Moi, je croyais qu'il y avait eu des problèmes. Disons qu'on a des soucis. Généralement, tu vois, les fan clubs supportent les groupes, les encouragent, etc. Nous, il y a des gens qui constituent des fan clubs pour faire chier le groupe Marcel et son orchestre. Ah ouais. Voilà. Ils décident qu'on devrait jouer tel titre plutôt que tel autre, etc. Enfin, bref. Et donc, il y en a notamment, il y a des activistes qui s'appellent le Glavio qui ont décidé. Ah, voilà, ouais, d'accord, bah, ça c'est une bonne explication. Voilà. Et qui militent terriblement pour l'incontinence. Et ils ont fait des actions terroristes. Ouais, voilà. Quand on a joué au Zénith à Lille, ils ont kidnappé Bully et James. Exactement. Ah ouais. C'était ouais. Abominable. Mais c'était suite à une action héroïque, nous avons réussi à les sortir de ce mauvais pas. Oui. Je croyais que tu allais dire une action érotique, un peu comme avec notre collègue avec son pote militaire de Toulon, kidnappé dans les loges. Non, ça, ils en ont un. D'ailleurs, c'est il bien est là, passé, il s'appelle Paloma maintenant. Ah, bah tiens, il s'appelle Pepito. Ça, c'est drôle. Bon. Et on fait un petit béco voilà. Pepito que nous amenons. Oui. Ouais, de toute façon, ça reste bien beauf ici, hein, ces soirées banga Pepito et compagnie. Bon, on n'est pas tous déguisés, ça fait rien. Ça fait rien, entre autres. Et les gars, le temps passe, on se refait une petite chanson. On va refaire une chanson. Parce qu'il reste, allez. 10 minutes. 10 minutes de Marcel. Là, on a fait tout ce qu'on connaissait aussi. Je n'entends pas. Ah ouais, wow. Ah, je la connais celle-là. Ça me rappelle mes vacances à Saint-Tropez. Toi, tu sais faire de l'italien, c'est presque de l'espagnol. Vas-y, fais un peu. Viene, viene. Viene con la mer. Viene, viene. Viene con la mer. Choup, choup, choup. Les vaches dans les prés, il faut les voir de loin. Elles broutent plein de l'herbe et puis des fois du foin. Elles sont belles avec les mouches qui les aiment, qui leur chient dans les oreilles et aussi dans les yeux. Les vaches font me. À vous dans la radio. Je t'entends pas à Barcelone. Danse dans le poste. Quand au petit matin arrive le fermier, il y a la chef des vaches qui l'entend arriver. Et la chef des mouches, elle suit la chef des vaches. Le bouseux ouvre les portes pour brouter, c'est leur hache. Les vaches font me me. Caliente, caliente. Que calor en la discoteca. Elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Et le soir dans les prés, elle nous offre les bouses. Et puis faut les rentrer pour prendre le bon lait. Les traîneurs sont branchés, c'est la fin de la journée. Chip-chit font les machines font chip-chit. Me-me-me font les vaches font me-me. Solo! Allez, encore une tourne. On ne traite pas les mouches car elles n'ont pas de lait. Et puis que les traîneurs, ça ne s'est pas folé. Mais les vaches qui n'ont pas de lait, on leur coupe la bite. Est-ce que t'as chez McDo? Bon appétit, bien sûr. Me font les vaches font me. Me font les vaches font me. Me font les vaches font me. Me font les vaches font me. Il y a du monde dans les studios ce soir. Oh putain, c'est le why. Bon, c'était une petite dédicace pour qui ça chasse pêche et nature et bordel. On ne sait pas. Bref, on parle politique ce soir. Est-ce que je peux faire un petit mot Il est rigolo. Comment? Je fais pas mal. Ouais, bon, on se débrouille. Mais bon, et il fallait que je la pose, c'est la petite parenthèse, discrètement. Bon, les gazis, à part ça, dans le quartier, vous êtes à moitié en vacances, on vous trouve, limite, vous faites. Non, mais, on est en plein boulot, c'est fou. Chez vous, à moitié en vacances, ça veut dire complètement en boulot. Ouais. Bon, alors là, ça c'est bien. Non, parce que bon, j'en ai croisé, certains, ils faisaient leurs emplettes, ils divaguaient, tout ça. Ouais, on peut croiser les Marcel dans la rue, la oui. Cahier, bordel. Vous les reconnaîtrez, ils ont un jambon sur l'épaule. Ça c'est drôle. Ça, ok. Bon. Et à part ça, des projets sérieux parce que ça reste un groupe sérieux, bien rodé. Ouais. Hein, c'est une affaire qui tourne, Marcel. Vous faites combien de dates dans l'année? 100, 120? 612. Ouais. Mais on joue que les jours de pluie. Non, ça dépend. Entre 80 et 120. Oui. Oui. C'est, les années bissextiles, on joue plus. D'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça. Oui, beaucoup, c'est vrai, quoi. Mais en même temps, là, on s'était arrêté. On a redémarré en novembre, on s'était arrêté un certain temps avant de. Non, quand même pas. Non. Mais non, on avait joué l'été, les mecs. On avait joué à l'étranger. On avait fait une tournée d'été. Donc on s'est arrêté en août. On avait repris en septembre. Ouais, ça, chez nous, ça fait un an et demi, ouais. On compte bien. Donc alors, tu disais tournée internationale. C'est comment ton prénom, monsieur? Il a des couettes, généralement. Tibal. Bon, alors, avec ça s'internationalise, ou du moins européanise, parce que Barcelone, c'est la France. Non, nous sommes allés jusqu'à des Canada. Et des Réunions. Jusqu'à des Budapest. Des îles de la Réunion. Bien sûr. On va là où il fait beau, quoi, en gros. Ouais. D'ailleurs, on peut le dire, hein, franchement, les Marcel nous ont ramené le soleil. On a été pendant plus de 20 jours. Profitez-en, ça coûte la peau du cul. Ouais, bon. Non, mais c'est clair. Parce que là, vous venez voir un nouveau public local, quand même. Bon, il y a une communauté française, on le sait bien. Mais première fois à Barcelone, il y a d'autres dates de prévues. Parce que, bon, effectivement, vous avez un de vos musiciens qui est espagnol. Lui, il cherche des dates, il ne fait rien. Ou vous avez été joué dans son bled Non, même pas. Son bled, il nous tire dessus. C'est sauvage. Il est banni de là-bas. Ils ont horreur de l'huile d'olive. Ah, ils ont horreur de l'huile d'olive. Bon. Je crois qu'on joue mercredi aussi à la Repubblica. Ah ouais. Oh, mais bon, ça c'est secret. C'est secret. La grosse date, c'est demain, bien sûr, à l'Apollo, hein, l'Apollo 1. Hein, parce que bon, la Carabarna fait venir Wachaclan il y a deux semaines à peine à l'Apollo 2. Mais là, c'est le théâtre, c'est mythique. C'est pas la Paloma, bien sûr, hein, qui est fermée toujours. Mais l'Apollo, respect. Hein, Zebda, on fait leur live, on enregistre leur live à l'Apollo. Non. Et si, si, entre autres, la plus belle salle. On est d'accord. Bon, les gars, allez, il nous reste concrètement, on va se quitter avec vous. Hein, quelqu'un a un concert à rajouter, là. Moi, j'ai trouvé un truc dans un squat. écoutez, c'est demain. Ça s'appelle au Crowbar, voilà, bien alternatif. Il y a exactement Amélie Putain qui joue. Bref, un groupe local. Il fallait le dire. Et puis sans oublier, on a bien sûr l'anniversaire de Radio Bronca. Vous y étiez juste avant. Voilà, pour leur anniversaire, leur 20 ans. Et puis à Cannes-Mas-Déou, tout ce week-end, c'était les journées sur l'occupation et les occupas, comment ils s'organisent, tout ça à Barcelone. Rien n'est simple. Bref, bon les gars, on vous écoute. Et on va se quitter, hein, c'est toujours les gars Bachos, comme chaque lundi. On pourra vous écouter vendredi prochain, hein, les gars, si vous êtes réveillés, à 11h, entre 11h et 13h. Le spécial Marcel, bien sûr, Politico là, ce soir, spécial élection et compagnie. Bref, qu'est-ce que vous allez nous jouer là? C'est improvisé Le chiffon rouge. Le chiffon rouge. Voilà. Ça tombe bien, c'est pour quoi? C'est pour le côté coucou, le t-shirt que t'as, ou la rose de Ségolène? Arrête un peu, c'est Screaming Jay Hawkins. D'accord. Bon, non, mais je ne critique pas ton t-shirt, hein, bien sûr, t'inquiète. Bon. Allons-y, messieurs, la trompette. On n'a pas joué de la trompette aujourd'hui. Ouais. Tiens, ça manquait, ouais. On n'avait pas notre dose, la trompette. Bon, eh ben il s'en passe. C'est incroyable. Franchement, avec des voisins comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Exactement. Bon. La femme, le charcutier, souffrant d'ongles incarnés, mais traverse trouvée sur un pied pour les bras d'un pompier. J'étais un sceptique secret de ma coiffeuse André, c'est dont le fils cadet paraîtrait qu'il en serait. Non. Si. Non. Si. Puisqu'on parle des manières, reconnaissez que la fille, le maire, peut bien se donner des airs, elle fait toujours ordinaire. Figurez-vous que la nuit passée, je l'ai pas entendu rentrer quand on pense que son mari est un monsieur si poli. Non. Si. C'est pas pour dire, mais j'aime mes lire. Tout critiquer, tous les balais. C'est pas pour dire, mais j'aime me dire. Mais j'aime me dire, lire, dire. C'est pas pour dire, mais j'aime me dire. Tout critiquer, tous les valets. C'est pas pour dire, mais j'aime me dire. Mais j'aime me lire, lire, lire. Avez-vous vu à la télé l'émission sur les quartiers? On vit une drôle d'époque, il y a quelque chose qui débloque. Et ce Amadou, je trouvais pas. Oui, je l'ai vu. Louche, mais pendant que je vous tiens, comment il va votre chien? Lequel? Le rose. Ah, il est mort. Non. Si. Oh, tiens. Voilà ce d'en face qui passe. Regardez-moi, c'est dégueulasse. Ça fout rien de la journée. Et ça roule en cabriolet. Remarquez, je ne les envie pas, je suis très bien comme ça. Oh, oh, oh, oh. Mais avouez que c'est pas normal. Nous, on se donne tant de mal. C'est pas pour dire, mais j'aime me lire. Tout critiquer, tous les valets. C'est pas pour dire, mais j'aime me lire. Mais j'aime me lire, lire, lire. C'est pas pour dire, mais j'aime me lire. Tout critiquer, tous les valets. C'est pas pour dire, non, mais j'aime me lire, lire, lire. Je vous permets pas. Mais pour qui vous prenez? Mais arrête. Mais monsieur, mais franchement. Vraiment. Non, je suis pas d'accord. Est-ce que tu vas? Ta gueule. Chante avec nous. Ferme ta gueule. Oh. Est-ce que tu vas fermer ta gueule? Est-ce que tu vas fermer ta gueule? Tring. Allô. Grenade. C'est pas pour dire mais j'aime me lire. C'est pas pour dire mais j'aime me lire. Mais j'aime me lire, lire, lire. C'est pas pour dire mais j'aime me lire. Mais j'aime me lire. Tout critiquer tous les valets. J'aime bien aussi, hein. C'est pas pour dire mais j'aime me lire. Mais j'aime me lire, lire, lire. Vas-y Pipito. Ah, Pépito, il est encore bourré. Ouh, ah, le Pépito, il est encore bourré. Je ne sais pas. Hein. Pareil, dans le public, on a Pépito de Hurlément de Léo qui est là ce soir. On le remercie bien fort, d'ailleurs, pour cette... Oui, bravo. La Barcelona Connection, bien sûr. Les gars, il nous reste... Allez, on va terminer. On va être obligé, vite fait, une petite impro. On se quitte. On va être obligé de couper la dernière chanson. On peut faire une recette de cuisine. 3-4 minutes. Hein? Oui. Allez. Alors voilà, on va une chanson en hommage à hier soir, parce que on est venu avec plein de bonnes intentions. on s'était dit, allez, je vais pas boire. Et puis, tout ce que j'avais pas bu en 6 semaines, j'ai les... Qui me guette dans un coin de ma tête, les neurones à crête. Ils attendent que je plie et me savent en sursis, les neurones à crête. Eux la même chose. Mettez un verre à mes amis. Quand je me crois d'aplomb, avec 18 picons, ils prennent les commandes et c'est au revoir tout le monde. Les soirs de grande cuite, ils m'entraînent hors limite. Morveux, audacieux, je m'étale dans l'affreux. Les neurones à crête. La Bastille, on aimait bien les dépôts de chiens. Quand je plaisante à jeun, je suis déjà pas bien fin. Une fois imbibé, je voguie montagnier jusqu'au dernier soupir. J'excelle dans le pire. Je peux galocher ta mère pensant que c'est ton père. Les neurones à crête. Un verre pour la 11. Avec nous, les neurones à crête, les neurones à crête, les neurones à crête, les neurones à crête. Au revoir, merci. Les neurones à crête, les neurones à crête, les neurones à crête. Allez, c'est eux, c'est nous, c'est les Marcel. On se retrouve demain à l'Apollo. Allez, fidèles. Bien, merci beaucoup. Wouh, c'était Gabaccio Banda en moi, Barcelona, Dio. Not about penitentiary, rims and rhyme skills, both 22nd century, ahead of my time, school niggas like Timbuktu, cause I'm original like Black Velocia Jew, for Louis by Bufu, buy us, fuck you, try us, fuck you, you die, y'all got gats, but him buck too, nigga, sip the Grey Goose and ponder, to know the room service in Hotel Rwanda, reminder to honor these street scholars, who ask why U.S. defense is 20% of the tax dollar. Bush gave $6.46 billion to Halliburton for troop support efforts in Iraq. Meanwhile, the hood is hurting. Please believe that. The rape over Cheney charging $45 for a case of soda. Drain the taxpayers. $85,000 oil filters for won't pay their soldiers. Halliburton workers make $14,000 a month. Privates earn 13 G's a year. Plus 225 extra taking fire in combat. Recruit all the niggas that die from where I'm at. 18 years old, told to kill where Saddam at. But can't have a gat to protect where my mom's at. I love it crunk, so what? Plus I'm gangster enough to piss and pimp and kids pimp cup. Rack a gauge and pump it up. Hot bitches still get fucked. Niggas just want a 40 in the blunt. Yeah, these youngsters, they grow up on the block with the product in their socks and the fully loaded Glocks. Too many die in vain and it's a crying shame. The murders and the hustles won't stop as they shoot for the top, acquiring power through growth and development. On their most dangerous missions, excuses were irrelevant. The brutality of war never changes and the out of control desire to win makes it dangerous. Fire engulf the set, they feel the threat greater than what they ever had experienced yet. Indictments sparked excitement and the thrill to kill. Suddenly they felt the need for a challenge in their field. The great boundaries of both men and machine can have one at the point to murder all in between. Yellow tape scene, dead team, the mob was his idol, giving a grim new meaning to the neighborhood's title. What's up?